Garantie avec mon capture d'occasion? Oui, tu m'as dit. Ah oui? Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. Et c'est avec Christine Peña que nous faisons un point sur la météo. C'est ça, un week-end qu'on va vite oublier, non? Oui, côté voilà, météo, le samedi, hein. Voilà. Si le samedi pouvait enfin, passer dit, problème, plus vite, ce serait bien. Tous ces week-ends s'oublient, en fait, oui, hein, depuis ça. Un moment. Bah, bien sûr. Alors, on a eu un petit pic de chaleur. On avait trop chaud. Bah, voilà. Là, on perd 8 degrés d'un coup. On va avoir trop froid. on passe en dessous finalement. Des normales de saison. Voilà. C'est orageux dans le nord-est surtout. 14 départements en vigilance orange entre la Bourgogne et l'Alsace. Et puis, les éclaircies viennent par les côtes, en fait. Tous les littoraux, le littoral de la Manche, littoral atlantique également. L'Atlantique, belles éclaircies dans l'ouest du pays, surtout cet après-midi jusqu'au Limousin, la Gironde et le Sud-Bretagne. Et puis sinon en Corse, grand beau temps en Méditerranée. Là aussi, vous avez du soleil. Partout ailleurs, c'est très nuageux avec un risque de pluie un petit peu partout, hein, depuis le nord jusqu'à Paris, ainsi que sur les Pyrénées et les régions proches des Pyrénées. Là aussi, très nuageux avec de la pluie. Les températures chutent. 18 degrés à Brest cet après-midi, 20 à Paris, 20 à Rennes. Il fera 24 à Toulouse et Bordeaux. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016, avec à 15h, Suisse-Pologne, à 18h, Pays de Galles, Irlande du Nord, et à 21h, Croatie-Portugal. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. Dans un instant, le week-end des experts maison, il est 8h. Et à 8h, toute l'actualité, c'est avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Le Royaume-Uni fracturé après le Brexit. L'Union européenne fragilisée et qui craint désormais la contagion. En France, les eurosceptiques réclament un référendum sur l'Europe. Nouveau règlement de compte hier soir à Marseille. Deux hommes abattus et une adolescente grièvement blessée par une balle perdue. Rugby, l'exploit du Racing 92 qui soulève le bouclier de Brennus. Les Franciliens ont battu Toulon hier soir en finale du top 14. Score 29-21. Une carte qui symbolise la fracture de tout un pays. Fracture entre le Nord qui dit oui à l'Europe avec Londres et le Sud qui refuse de continuer l'aventure européenne. Peterborough est l'une des deux villes anglaises les plus eurosceptiques. C'est là où s'est rendu l'envoyé spécial d'RMC Benoît Ballet. Sandra fait partie de la majorité des habitants qui a voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors avec son mari, elle est très heureuse que le Brexit l'ait emporté. On est resté debout presque toute la nuit à regarder les résultats à la télé. Oui, c'est une victoire. Les rues du centre-ville avec leurs murs de briques rouges, Brian les connaît par cœur. Ce retraité est né à Peterborough. Il espère que le Brexit va permettre de retrouver la ville qu'il dit avoir connue dans le passé. Peterborough était à l'origine une jolie petite ville, mais elle s'est transformée en un dépotoir. Il n'y a plus de place pour les immigrants. Ici, il faut les empêcher de continuer à venir. Des discours très durs envers les nombreuses familles d'Europe de l'Est installées à Peterborough. Alexander est d'origine lituanienne. L'adolescent de 16 ans est inquiet pour son avenir. Je veux devenir ingénieur, mais je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver désormais. J'ai peur que les autorités nous demandent de retourner dans notre pays. À Peterborough, plus de 60% des habitants se sont prononcés pour le Brexit. Le reportage RMC de Benoît Ballet. Ce Brexit donne des idées à tous les eurosceptiques de l'Union européenne. En France, le Front National réclame un référendum sur le maintien de la France ou non dans l'Europe, comme l'explique Marion Maréchal-Le Pen, députée du Vaucluse. Je pense que ce serait légitime, oui, parce qu'il y a aujourd'hui un malaise profond qui est justifié d'ailleurs de l'ensemble des peuples européens qui n'en peuvent plus, si vous voulez, de toutes ces promesses trahies par les technocrates de Bruxelles. Je suis très inquiète quand j'entends la réponse de François Hollande à ce rejet de l'Union européenne qui est de dire « mais taisez-vous, il y aura encore plus d'Union européenne ». J'ai l'impression d'entendre l'adage à l'époque qui disait que si l'URSS n'avait pas marché, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. C'est exactement le même raisonnement. L'Union européenne ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. Eh bien, je crois qu'ils le paieront très durement en 2017. La contagion à d'autres pays sera aussi au cœur des discussions cet après-midi entre François Hollande et les chefs des partis politiques. Le président de la République dînera ensuite avec Matteo Renzi, le chef du Conseil italien. Les ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs ont eux rendez-vous à Berlin. Aujourd'hui, il sera question des conditions accordées à Londres pour le Brexit. Des conditions qui seront déterminantes pour l'avenir de l'Europe, selon Sylvie Matelin, directrice adjointe de l'IRIS. le risque va être de céder sur un certain nombre de dossiers et finalement de d'accorder un certain nombre d'avantages au Royaume-Uni. Et il est clair que si on va trop loin dans cette négociation à l'avantage du Royaume-Uni, eh bien, très logiquement, vous avez un certain nombre de pays qui vont se poser la question, mais pourquoi pas nous ? Et qui vont peut-être être tentés par une sortie eux-mêmes pour obtenir le même type de situation. Sylvie Matelli avec Anaïs Denet. Deux hommes abattus dans leur voiture et une adolescente de 14 ans qui se trouvait à proximité grièvement blessée. Bilan du nouveau règlement de compte hier soir dans les quartiers nord de Marseille. Samia Ghali, sénatrice et maire d'arrondissement socialiste de Marseille, s'est rendue sur place après le drame. Une victime collatérale qui se retrouvait là par hasard, qui se baladait avec sa maman, a pris malheureusement une balle dans le dos au niveau des reins et qui a été opérée toute la nuit. C'est dans un état très très critique. En fait, j'ai le sentiment que malheureusement, ça ne s'arrêtera plus jamais. Ça ne s'arrêtera plus. On est dans une rivalité sans fin. Je crois que même la mort, finalement, ne leur fait pas peur. La question des armes, elle doit se poser. On est en état d'urgence, en état de vigilance. Et aujourd'hui, on a encore des personnes qui ont des armes de guerre dans leurs mains, quoi. Samia Ghali est jointe ce matin par Anaïs Sens. En 2013, elle avait noyé sa fille sur la plage de Berck parce que c'était plus simple comme ça. C'est ce qu'elle avait alors expliqué, Fabienne Cabou, aux enquêteurs. Hier, elle a été condamnée à 20 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Pas-de-Calais. Une peine au-delà des réquisitions du procureur. 9200 demandeurs d'emploi de plus. Après deux mois d'embellie, le chômage est reparti à la hausse, plus 0,3% comparé au mois d'avril. En fait, dans le détail, Benjamin Smadja, déjà, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle concerne le chômage des jeunes. Il repart à la hausse, plus 0,9%, soit 4400 inscrits supplémentaires sur les listes de Pôle emploi. Mais la bonne nouvelle se trouve du côté des seniors, moins 0,1% au mois de mai. Cela fait donc trois mois consécutifs de baisse pour cette catégorie, du jamais vu depuis la crise de 2008. Du côté du gouvernement, on balaye rapidement cette hausse du mois de mai pour mettre en avant les perspectives de croissance pour 2016. Tout récemment, l'INSEE a prévu une baisse du chômage de 0,4% d'ici la fin de l'année, avec notamment près de 140 000 créations de postes dans le secteur marchand. Il y a aussi le plan de 500 000 formations de chômeurs qui se met doucement en place. Des éléments sur lesquels le gouvernement s'appuie pour peut-être bientôt parler non plus d'amélioration, mais d'inversion de la courbe du chômage. RMC, 8h passées de 5 minutes. Rugby, 18 minutes de jeu et le Racing 92 qui croit que la victoire va s'envoler face à Toulon en finale du top 14. Mais les Franciliens s'accrochent et après un match haletant soulèvent finalement le bouclier de Brennus. Score 29-21. Les joueurs du Racing ont joué à 14 pendant 60 minutes après le carton rouge de Maxime Macheneau. Un demi de mêlée passé par toutes les émotions hier soir. Toute l'équipe avait à cœur de faire une grande finale, je pense qu'ils l'ont, faite. Moi, malheureusement, ça s'arrêtait à la, je crois, 18e. Je pensais que c'était mission impossible, que ça allait être très compliqué pour les 14 potes que j'ai laissés sur le terrain. Et en tout cas, ils ont trouvé des ressources exceptionnelles pour remporter ce match qui a été magnifique d'autre part. Et je suis passé par toutes les émotions et en tout cas, l'émotion qui l'emporte ce soir, c'est la fierté, heureux pour ma famille, pour mes coéquipiers. On a vécu une saison très longue, on a fait des très bonnes choses et comme je dis, c'est bien d'avoir remporté ce titre. Maxime Macheneau au micro RMC de Laurent Després. Côté Toulonnais, c'était le dernier match de Bernard Laporte en tant qu'entraîneur après 5 ans passés au RTC. L'ancien sélectionneur du 15 de France ne part pas amer pour autant malgré cette défaite. Beaucoup de déceptions, mais sans trop non plus, parce que vraiment, ils nous étaient supérieurs. Quand tu fais autant de fautes, quand tu es dominé par une équipe qui joue à 14, comme on l'a été, ben, sincèrement, ils étaient meilleurs que nous. Mais bon, on m'aurait dit il y a deux mois, quand on allait jouer une finale, sincèrement, je crois que j'aurais dit non. Hein. Mais c'est toujours mieux de finir en gagnant. Mais c'est comme ça, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de 5 ans. Et comme je leur disais, tirer les conclusions justement de ce match pour rebondir, parce qu'ils sont passés à côté et ça leur serve mentalement à se dire qu'ils ont encore beaucoup de chemin à parcourir. Bernard Laporte avec Florent Germain. Début des huitièmes de finale de l'Euro aujourd'hui. Ce soir, le choc entre la Croatie et le Portugal. Coup d'envoi à 21h depuis le début de la compétition. Les Croates font figure d'épouvantail, de quoi effrayer les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, Jean Baumel. Premier de son groupe et surtout en battant l'Espagne, sans ses deux meilleurs joueurs, le milieu du Real Madrid Luka Modric et l'attaquant de la Juventus Mario Mandzukic, la Croatie impressionne. De son côté, le Portugal s'est qualifié en terminant troisième et en faisant que des matchs nuls. Pourtant, les médias portugais sont confiants comme Alexandre Afonso. Favori, c'est Portugal, mais c'est difficile parce que dans la phase des groupes, je crois que la Croatie, c'est une des meilleures équipes qu'on a vues. Pour passer en quart de finale, il faudra un grand Cristiano Ronaldo. Ça tombe bien, l'attaquant de la Seleção reste sur un doublé contre la Hongrie. Pour le journaliste Paulo Sintrao, le Portugal, ce n'est pas que Ronaldo. Le Portugal doit marcher avec Cristiano Ronaldo et sans Cristiano Ronaldo. Alors il fait la différence, on le sait. S'il est bien, l'équipe est bien aussi. Ce soir, les tribunes de Bollard vont vibrer entre les 15 000 supporters portugais et la ferveur des Croates. Pour les Bleus, repos et entraînement au programme de ce samedi avant France-Irlande, bien sûr. Les hommes de Didier Deschamps pensaient qu'ils affronteraient l'Irlande du Nord, mais ce sont finalement leurs voisins du Sud contre qui ils joueront. Une situation dont Guy Stéphan, l'entraîneur adjoint des Bleus, a su s'accommoder. Pour être sincère avec vous, on avait commencé à se préparer contre un autre pays. Le pourcentage de chance de jouer l'Irlande du Nord était assez fort. Donc évidemment qu'on avait commencé à visionner leur match lundi, mardi, une partie de mercredi. Puis voilà, le sort nous a désigné l'AIR, la République d'Irlande. Et c'est une équipe très bien organisée. Et donc on a quelques jours pour se préparer. RMC, 8h passées de 9 minutes, les experts avec François Sorel, tout de suite. Et auparavant, évidemment, les pronostics épiques, hein, Claire, avec un tiercé écarté et quinté plus cet après-midi à Compiègne. Sébastien Darras est confiant avec l'As Samir et le 4 Brave Impact. Brian Asloum se méfie tout particulièrement du 7 Mo Green. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient le 11 Versaline et le 5 Invilino. Nous avons donc l'As, le 4, le 7, le 11 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous qui venez peut-être de nous rejoindre. Un bon réveil aussi, si vous en profitez pour vous réveiller un petit peu plus tard en ce samedi. Et oui, après le jardin et Patrick Mulan, place maintenant à notre deuxième rendez-vous de ce week-end des experts. C'est la maison et c'est avec Christian Pesset. Bonjour Christian. Bonjour mon cher François. Alors, cri-cri, on est ensemble jusqu'à 10h. Oui. Avec au menu, bien sûr, dans un instant, toutes les questions des auditeurs et nous avons d'ores et déjà Henri qui est dans les starting blocks, qui veut installer un déshumidificateur. Il aimerait bien avoir votre avis. Nous allons aussi tout à l'heure retrouver notre jeu. On va vous offrir encore une fois un super cadeau, une perceuse à percussion. Vous allez nous expliquer. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. On va rentrer dans les détails et on va vous faire saliver avec cette perceuse. J'en suis sûr que vous allez pouvoir gagner par SMS tout à l'heure. Et puis en deuxième partie, entre 9 et 10, on va tout vous dire sur les insectes dans la maison. Essayez de les éloigner ou de les éradiquer. Voilà, avec une priorité accordée aux moustiques, si j'ose dire, parce que c'est parti très très vite. On est dans une situation qui est déjà d'alerte. Dans beaucoup de régions. Alerte moustique. Oui, il y a à peu près la moitié de la France qui est quasiment touchée. Donc, et on va voir qu'il existe justement alors des solutions, mais il existe aussi un site, c'est vivencemoustique.com, qui permet de savoir si on est dans une région infestée. Et puis on aura le porte-parole de la chambre syndicale 3D, donc qui nous parlera des insectisations. On aura un expert consultant en biocides. Et puis on parlera aussi de tous ces des pièges, des possibilités aussi de traiter, de se protéger, y compris sur la peau. Hein. On va voir qu'il y a des quantités de méthodes pour éviter les piqûres, parce que c'est d'une part très désagréable, et puis d'autre part, c'est aussi vecteur de maladies, donc il faut être extrêmement vigilant. Avec ce fameux moustique tigre qui monte et qui est même en région parisienne maintenant. C'est ça, c'est dingue. On en parle tout à l'heure entre 9 et 10. Bien sûr, toutes vos questions sur les insectes, vous voulez les éradiquer, vous en avez chez vous, racontez-nous, posez vos questions ou témoignez dès maintenant le 3216 ou bien maison@rmc.fr. Bienvenue à vous tous et on accueille Henri pour débuter. Bonjour Henri. Bonjour François, bonjour Christian, merci pour votre appel. Je vous en prie, merci pour le vôtre. C'est surtout vous qui nous avez appelé, après on vous rappelle quand même. Hein. Je vous appelle car j'habite une maison construite en 1936 dans le Var, oui. Dans laquelle de très gros travaux, vous voyez, furent nécessaires pour la rendre habitable. Mm-hmm. C'est une maison sans vide sanitaire, de plein pied de 130 mètres carrés, sur petite fondation au sol. Et une chape béton d'environ 10 cm d'épaisseur, le tout carrelé, au sol bien sûr, et un grenier isolé non habitable. Mm-hmm. Mon problème, est une remontée d'eau par capillarité qui rend le bas de mes murs humide durant les mois, disons, de janvier à avril. Et je viens vous demander votre avis sur ce que je pourrais faire à ce sujet-là, des humidificateurs, comment faire ou autre, si vous avez. Voilà, je vous en prie. Alors, j'ai pas d'immense solution à vous proposer à partir du moment où on est sur terre-plein, c'est-à-dire directement sur le sol. La première des choses que je conseille toujours, c'est d'empêcher l'eau d'arriver. Bon, ça paraît simple comme ça, mais si vous en avez la possibilité, ben il faut drainer autour de votre maison. Il faut faire un drainage à part des pros, parce que ça s'improvise pas, et qui va normalement empêcher l'eau d'arriver, ou tout au moins empêcher une grande partie de l'eau d'arriver vers votre maison, qui se comporte un peu comme un buvard, c'est-à-dire que la maçonnerie est très sèche. En plus, vous êtes dans une région... vous êtes où, vous m'avez dit? Vous êtes dans le Midi? Dans le Var, oui. Dans le Var. Donc, évidemment, la maçonnerie sèche au soleil et elle pompe l'eau dans laquelle elle trempe, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première des choses. Faire des injections dans les murs, c'est possible aussi, mais ça a un résultat qui est parfois un peu aléatoire. Faut voir quel est le type de maçonnerie. Ça coûte très cher, et c'est évidemment souvent très efficace, mais c'est une solution, je dirais, assez radicale, et qui... en fonction de la nature de la maçonnerie, fonctionne plus ou moins bien. Alors, vous me parlez ensuite de déshumidificateurs. Alors, oui, bien sûr, si ce n'est que vous rendez un peu plus sèche votre maçonnerie, donc elle pompe encore un peu plus, mais si votre déshumidificateur pompe plus que ne pompe la maison, eh bien, vous réglez votre problème, et effectivement, c'est une solution. Alors là, il faut être attentif au type de matériel qu'on peut acquérir aujourd'hui. Il y a deux types de déshumidificateurs. Le classique à condensation, qui est proche d'une mini-pompe à chaleur, et le deuxième, qui est aujourd'hui, on appelle ça des assécheurs, des sicateurs, et qui n'ont pas de compresseur, et qui fonctionnent à partir du contact d'un gel de silice qui retient l'eau. Dans les deux cas, vous avez un réservoir qu'il faut vider si vous n'avez pas de possibilité de faire une évacuation par gravitation, tout simplement, c'est-à-dire pouvoir raccorder votre appareil sur une des canalisations d'évacuation d'eau de la maison. Voilà les solutions que je peux vous donner. Bon, mais écoutez, voilà, je vous en remercie. Je vais voir laquelle appliquer si possible. Et, bon, si ça n'est pas catastrophique, si vous n'avez pas des remontées d'eau sur un mètre et qui perle sur les murs, tentez le coup du déshumidificateur de toute façon, oui. Parce que vous allez en mettre, vous avez combien, 120 mètres carrés au sol, c'est ça que vous m'avez dit, 130 mètres carrés. C'est le bas des murs qui est oui, bien sûr, humide, bien sûr. Mais il n'y a pas d'eau dans la pièce. Bon, bah écoutez, essayez déjà ça, mettez-en un puissant, oui. dans votre pièce principale. Oui. L'idéal, c'est que vous puissiez le raccorder à une canalisation d'eau, parce que sinon, c'est emmerdant comme la pluie, c'est le cas de le dire avec l'eau. C'est que, évidemment, quand il faut... Vous allez voir, ça va vous pomper 5 à 10 litres d'eau par jour. C'est absolument spectaculaire, et suivant les matériels. Bon, en plus, vous craignez pas, vous pouvez prendre le premier type, parce que la grande différence entre les deux, c'est une question de température. C'est que les modèles classiques qu'on va qualifier de la condensation, eh bien, en dessous de 10-15 degrés, ils deviennent plus efficaces. Donc, en revanche, ceux à gel de silice qui apparaissent de plus en plus sur le marché, eh bien, ils présentent l'avantage d'être insensibles à la température. Ceci étant, dans le Var, oui, 10-15 degrés, c'est souvent ce que vous avez l'hiver. Merci beaucoup, Henri. Mon cher Christian, attention, oui. Là, tout de suite, on ne rigole pas. Ah ouais, c'est pas une perceuse, ça. C'est pas une perceuse ? Ah si, ah si. Ah voilà. Si, quand même, c'est une perceuse. Mais alors, elle est bruyante, hein. Elle est puissante. Non, ça va. Voilà. Ah. Eh oui, non, mais attendez, parce que là, on voulait vous bloquer, on voulait vous piéger, mais vous avez tout de suite reconnu que le premier son n'était pas le son de la perceuse. Hein, bravo, voilà, Christian. Voilà. Tout ça pour vous annoncer quoi? Eh bien, qu'il y a cette perceuse à percussion que nous vous offrons. Oui, attention, c'est une perceuse électrique. C'est une perceuse électrique, il n'y en a plus beaucoup. Non, mais enfin, je veux dire, sans fil. Ah mince, c'était la chignole. Oui, on n'en trouve plus. Eh ben oui. On ne trouve plus de chignole, on ne trouve plus de vilebrequin. Et je trouve ça catastrophique parce que c'est quand même, les outils à main, parfois, eh bien, pour un travail très précis, ouais. sont utiles. Alors là, en revanche, c'est une perceuse, effectivement, électrique, sur batterie, 2 batteries, 18 volts, 2 ampères. Alors, c'est fantastique, c'est un très beau matériel. C'est une perceuse à percussion. Là aussi, on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. C'est un matériel semi-pro, c'est du Stanley, et ça vous est offert évidemment par RMC et par le magazine Système D. Et on revient dans un instant, on va parler de plancher avec François. Oui. Et ah oui, non mais c'est vrai, c'est bien beau de parler de la perceuse, mais si je vous explique pas comment on joue, ça sert à rien. Parce que là vous dites, mais ça a l'air bien, mais comment on joue? Et c'est oui. Ça, par SMS, bien sûr. Donc, vous prenez votre portable, vous envoyez par SMS le mot maison. Vous tapez maison, un peu comme ITI. Voilà, mais là vous tapez maison au 73216. Maison au 73216 et vous participerez automatiquement au tirage au sort. Voilà. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Maison par SMS au 73216. A tout de suite donc avec François et son plancher. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Salut, c'est Jeannot Rességuier. Ça y est, on y est en huitième de finale, mais on tarde un peu à convaincre. Hein. France-Irlande, demain à 15h, je compte sur vous, les Bleus comptent sur votre soutien, et cette fois-ci, sans le moindre coup de main. L'euro, c'est vraiment unique sur RMC. Intermarché s'engage. Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo. Mais c'est jusqu'à demain quand Intermarché défend les prix. C'est vous le grand vainqueur. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chiffré, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2€ par mois. Et 0€ par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Et si on parlait véhicule d'occasion? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. 3 heures! À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion. Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2015, offre réservée aux particuliers pour 1€ de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. En ce moment, avec les soldes de But, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin et sur but.fr. But, c'est nous. Salut, c'est Pierre Dorian sur RMC. Lundi, la Dream Team vous donne rendez-vous à partir de 15h à la Fan Zone Tour Eiffel pour un show exceptionnel. Avec Luis Fernandez, Vincent Moscato, Franck Leboeuf, Jérôme Roten, Ali Benarbia et Julien Cazard, l'intégral foot UEFA Euro 2016, c'est en direct et en public à la Fan Zone Tour Eiffel lundi à partir de 15h. On vous attend nombreux. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pesset, François Sorel. Il est 8h22, le week-end des experts se poursuit, la maison avec Christian Pesset. Et avant de retrouver la météo et les infos de 8h30, on accueille François comme promis. Bonjour François. Oui, bonjour. Oui, bonjour François. Alors moi j'habite une maison ancienne et je voudrais faire l'isolation des combles. Oui. Or, dans ces combles, il y a un double plancher. Tiens. Un plancher initial et un deuxième par-dessus, après quelques centimètres d'écart. Vous savez pourquoi? Alors, question... Non. C'est bizarre. Je voudrais savoir s'il faut poser l'isolant sur le plancher supérieur ou s'il faut éliminer ce plancher supérieur avant de poser l'isolant. Écoutez, moi, vous ne voulez pas utiliser vos combles? Non, c'est des combles perdus. Bon. Alors donc, pourquoi je pose la question? Parce que un artisan auquel j'avais fait faire un devis, ouais, m'a dit mais il faut supprimer le plancher supérieur parce que si vous mettez votre laine de verre dessus, il va y avoir un courant d'air qui va se passer dessous et ça va diminuer votre isolation. Bon, moi, je pense pas que ça diminuerait grand-chose, mais de toute façon, quand on a ce type de structure, il faut commencer à vous demander pourquoi. Parce que oui. Je pense pas que c'est pour rien que quelqu'un a fait un jour un deuxième plancher sur le premier. Donc, oui. Mon premier réflexe, ce serait de dire dégagez-nous ça. Ça sert à rien. Ça ne peut que effectivement perturber avec des phénomènes peut-être de condensation ou autre. Ça serait mon premier réflexe. Mais je chercherai quand même la raison de ce deuxième plancher. Est-ce que des gens ont voulu le rendre sinon habitable, du moins le permettre d'y stocker des matériels un peu plus lourds, qu'ils ont considéré que le premier plancher n'était pas suffisant, mais ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Moi, je ferais venir, non pas un artisan d'isolation, mais je ferais venir un charpentier. Je ferais venir un charpentier. J'irais, monsieur le charpentier, expliquez-moi là pourquoi il y a un de vos confrères ou pourquoi des gens autrefois ont mis un deuxième plancher. Parce que dans les vieilles baraques comme ça, on peut toujours se dire oh tiens, il y a ça qui sert à rien. Des fois, vous savez, il y a une poutre qui traverse. On dit oh allez, ça me gêne, on va la dégager. On la dégage et puis patatras, ça vous met une grosse perturbation dans la maison parce que ça participe à la cohésion de l'ensemble. Donc, premier réflexe, savoir pourquoi il y a ce deuxième plancher. Ensuite, dire que ça va perturber le fait que vous ayez un espace entre les deux, est-ce que ça va perturber l'isolation ? J'en ai pas vraiment l'impression. Moi, je pense qu'une fois que vous allez avoir mis 40 centimètres de laine de verre, de laine minérale, de laine végétale en vrac sur votre plancher, je vois pas très bien en quoi ce petit espace causerait un problème. Je serais tenté de dire, à la limite, on le remplit, on perce des trous et puis on le remplit aussi, on injecte dedans de l'isolant. Si vraiment ça peut poser un problème, mais moi, ça m'étonnerait que ça en pose un. Oui. Mais je vous dis, demandez-vous quand même, premièrement, pourquoi il y a ce deuxième plancher. Oui. Très bien. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Merci François. Et si tout comme François, vous voulez joindre Christian PC, c'est le moment ou jamais, le 3216, ou bien maison@rmc.fr. Christian, on va retrouver Amandine juste après la météo et les infos, mais rappelons quand même ce qu'on va évoquer tout à l'heure entre 9 et 10. C'est vrai que les insectes. On a eu un hiver qui était très doux, Et maintenant, on a eu un printemps qui était inexistant, mais qui était très humide, donc forcément. Et puis gros coup de chaleur là. Voilà. Alors là, je veux dire que les éclosions, tout ça, gros ça coup de chaleur. Donc on va parler moustiques. Donc c'est la fiesta des insectes. C'est la fiesta des insectes avec, je vous dis, le focus sur les moustiques, mais on va voir qu'il y a d'autres insectes de la maison, ou même tout simplement les mouches. Il y a des endroits où il y a des proliférations de mouches. On va voir qu'il y a des moyens aussi de lutter contre cela. Donnez-nous vos recettes si vous en avez, Bien sûr. Au niveau des pièges, notamment des pièges à insectes, moi j'en ai une. C'est vrai. De recettes. Vous nous la donnerez tout à l'heure. Ouais. Alors c'est vrai que bon voilà, il y a pas mal d'insectes. Est-ce que vous êtes envahi d'insectes? Vous pouvez nous le dire déjà, parce que vous avez peut-être des questions à poser à nos invités tout à l'heure, et puis peut-être aussi parce que non seulement vous en avez, mais vous avez réussi à contenir tout ça parce que vous avez des petites recettes ou des petits tours de main. N'hésitez pas à nous appeler aussi. Et si vous avez témoigner. Été piqué cette nuit, n'hésitez pas non plus. Ne vous grattez pas trop. Ah non, faut pas se gratter. Tout à l'heure, notre invité dans notre émission Jardin nous a dit qu'il fallait mettre un petit peu de, je sais plus ce que c'était comme produit, je crois que c'était de la mélisse. Voilà, qui faisait du bien en fait, qui soulageait. D'Ibiza, évidemment. Pardon ? D'Ibiza. La mélisse d'Ibiza. Oui, c'était Julien Clerc. Ah oui, c'était Mélissa. Mélissa. Bon, c'est pas mal. Bon, écoutez, vous avez vu, il y a une bonne ambiance dans ce studio. La météo, les infos. Et on revient pour ce rendez-vous maison. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah... Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, des têtes brûlées au volant des plus gros camions du monde. Pieds au plancher, ils tracent sans relâche sur les routes les plus déglinguées du bush australien. Les routes de l'enfer, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein. C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45, 50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait. 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Eh oui, vous l'attendez, comme nous tous. C'est l'heure de la météo et c'est avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François, pas de bonnes nouvelles pour aujourd'hui. Merci. Très nuageux. À bientôt, orageux. À la semaine prochaine. Nous avons 14 départements en vigilance orange en pour orages violents. Faites attention entre la Bourgogne et l'Alsace. Très nuageux du nord à la région parisienne, la Normandie, jusqu'en Auvergne. Nous aurons très peu d'éclaircies, pas mal de nuages avec encore des averses ici et là. En Méditerranée, le soleil est là. Le vent souffle fort et il chasse les nuages, Mistral et Tramontane. En Corse, très beau soleil. Sur les Pyrénées et le Piémont pyrénéen, très nuageux avec là aussi des averses. Et puis à partir de la Gironde jusqu'au sud Bretagne, là vous avez de très belles éclaircies, surtout cet après-midi. Alors les températures, elles chutent, excepté en Méditerranée. 33 degrés prévus à Marseille, sinon 20 degrés, pas plus, du côté de Paris, ou encore 22, 23 degrés à l'ouest, du côté de Bordeaux, ou encore de Toulouse cet après-midi. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. RMC, il est précisément 8h30, un point sur l'actualité avec Claire Checaglini. Bonjour Claire. Bonjour. Après le séisme, comment éviter les répliques? Telle est la question pour nombre de dirigeants européens après le oui au Brexit du Royaume-Uni. Question au cœur de la réunion aujourd'hui entre les ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs de l'Europe. En France, François Hollande reçoit cet après-midi les principaux chefs des partis politiques, puis Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Sur le plan économique, le Brexit ouvre une nouvelle page faite de beaucoup d'incertitudes. Moody's a donc abaissé sa note sur le Royaume-Uni. L'agence de notation craint des conséquences négatives sur la croissance à moyen terme. Sur les marchés financiers hier, les cours ont plongé, moins 12% à Madrid et Milan, moins 8% à la Bourse de Paris, moins 6,8% à Francfort. Nouveau règlement de compte sanglant dans les quartiers nord de Marseille. Hier soir, une adolescente de 14 ans a été grièvement blessée par des tirs de Kalachnikov. Elle se trouvait à quelques mètres d'une voiture où deux hommes ont été abattus. Le chômage repart à la hausse, plus 0,3% en mai dernier, soit 9200 demandeurs d'emploi supplémentaires, dont la moitié de jeunes chômeurs. Rugby et l'exploit du Racing 92 hier soir à Barcelone face à Toulon en finale du top 14. Les Franciliens ont battu les hommes de Bernard Laporte, 29-21. Cela faisait 26 ans que le Racing 92 n'avait pas soulevé le bouclier de Brennus. Début des huitièmes de finale de l'Euro, à 15h la Suisse affronte la Pologne, à 18h le Pays de Galles affronte l'Irlande du Nord et à 21h le choc Croatie contre Portugal. Quant aux Bleus, ils sont arrivés hier dans le Rhône pour un ultime entraînement avant France-Irlande, bien sûr. Demain, dimanche, à 15h, vous écoutez RMC, il est 8h, passé de 31 minutes. Tout de suite, les experts, François Sorel. Merci beaucoup, Claire. En compagnie de Christian Pessé, bien sûr, on revient dans un instant pour notre rendez-vous maison, le 32-16 pour nous joindre. A tout de suite. À chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr. Christian Pessé, oh là là là là. Mais oui, François Sorel. Vous aviez oublié ce petit rendez-vous stressant. La question flash. Allez-y. Il est de retour. Eh oui. C'est la question de Jean-François. Nous envisageons de faire construire, Christian. Oui. Mais nous sommes complètement perdus sur le matériau, les matériaux à adopter. Est-ce que vous pouvez nous aider? Alors, évidemment, c'est un choix qui engage, on va dire, pour longtemps, parce qu'on va pas en changer. On pourra changer d'équipement, mais on pourra pas changer de matériau de sa maison. Alors, la première des choses à faire, je pense que c'est de tenir compte des pratiques locales. D'abord, parce qu'il faut que votre maison s'harmonise au site, même si jamais un permis de construire est parfois accordé, je dirais de façon un peu surprenante dans le choix des matériaux, mais d'une façon générale, harmonisez-vous avec le site, c'est-à-dire avec les autres maisons. Profitez surtout de l'expertise des entreprises locales. Les entreprises locales ont l'habitude de construire avec un matériau. Ne leur demandez pas de faire les pieds au mur et d'en changer pour votre seul bon plaisir. Alors, on va donc choisir un matériau de construction en fonction de cette expertise. Le plus classique en France, c'est quoi? C'est, il y a 70% des maisons, 60 ou 70% des maisons qui se construisent en bloc béton, c'est-à-dire en parpaing, en moelleux, en moellon. Comme on le dit dans certaines régions. Pourquoi ça? Parce que, eh ben, c'est le moins cher, c'est le plus facile à isoler et c'est celui qui demande le moins de qualifications pour être maçonné. Si vous voulez une maison un peu plus sophistiquée, eh bien, on passera à la monomure, c'est-à-dire à la brique multi-alvéolaire, éventuellement au béton cellulaire, un peu plus technique à monter, mais qui demande évidemment beaucoup moins d'isolation complémentaire. Allez, belle maison à vous. Et 3216 pour toutes vos questions maison. N'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là chaque samedi avec Christian PC de 8h à 10h. A tout de suite. RMC, c'est au 3216. 45 centimes la minute. Et au 73216. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Le week-end des experts sur RMC. Non mais les travaux coûtent beaucoup plus cher que prévu. Ça fait 2 mois que les travaux devraient être finis. Il ne faut pas prendre d'architecte pour faire des travaux. Surtout pas. Votre maison. Elle tombe. Très bien, c'est très bien. À propos des câbles, on voulait vous demander, voulez-vous les cacher dans un faux plafond ou comme ça, tout apparent? François Sorel, Christian Bessé. Bah, c'est plus sympa, comme ça, tout apparent, les câbles. Oui, c'est vrai. Hein. Bah, c'est vrai. Sans gaine, sans rien. Parce voilà, que... ça fait un peu guirlande pour Noël. C'est cool. Et il y a de la gaine, il n'y a pas de plaisir, c'est bien connu. En plus, le 3216 ou maison@rmc.fr, voilà comment joindre notre expert maison Christian PC comme chaque samedi. On attend vos questions, vos témoignages. Avant de parler tout à l'heure des insectes, entre 9 et 10, nous allons tout de suite accueillir Amandine, qui nous a appelé au 3216. Bonjour Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Et on vous écoute, voilà. Amandine, bienvenue. Alors, moi je vous appelle parce que j'ai une vieille maison avec de la tomette, bon, notamment dans une chambre. Oui. Elle est vieille, elle est poreuse. Elle a été traitée avec un peu d'huile de lin pour la nettoyer. Je voulais savoir si c'est possible de la peindre. Oui, c'est toujours possible de la peindre, mais vous avez tout de suite entendu ma respiration, c'est-à-dire de se dire, c'est quand même dommage de peindre. Petit soupir. C'est quand même un petit soupir, c'est quand même dommage de peindre de la tomette. Alors, vous avez dit, il y a eu de l'huile de lin pour la nettoyer, mais c'est surtout pour la nourrir, parce que c'est pour ça qu'elle est poreuse, c'est-à-dire que ça fonctionne, enfin poreuse, disons qu'elle absorbe une huile de traitement, et ça reste quand même le matériau noble, naturel, sans problème que l'on peut affecter à toutes les pièces. Alors peindre une tomate, c'est encore un peu plus difficile que de peindre un carrelage en termes d'adhérence. Alors c'est pas impossible. Il faut bien laver, il faut dégraisser. Alors vous comprenez bien là que il y a un problème, c'est que justement la tomate, elle est traitée par de l'huile, donc la dégraisser, c'est pas simple. Il faut ensuite bien dépoussiérer, et puis il existe des peintures spécifiques. À ce moment-là, il faut se tourner notamment vers les marques de peinture dites technique. Bon, la plus connue en France, c'est Julien. Je sais qu'ils ont une peinture spéciale tomate qui doit être à base de résine acrylique. Il n'y a même pas besoin de sous-couche. Mais dans certains cas, si vous n'appliquez pas ce type de peinture, il vaudra mieux mettre une sous-couche type J7 de chez eux. J7. Et puis, on pourrait utiliser une peinture de sol classique. Mais ne rêvons pas. Une peinture de sol, ça ne tient jamais. C'est-à-dire que ça finit toujours par s'user. Vous allez, c'est très drôle parce qu'au bout d'un moment, on voit nos habitudes de passage dans la pièce parce qu'on marche toujours au même endroit. Bien sûr. Donc, et fatalement. Et vous voulez la repeindre en plus en quelle couleur? Oh ben, si possible blanc, c'est pour une chambre, parce que je vous avoue que j'en ai partout, j'en ai tout mon rez-de-chaussée est en tomate. Je comprends, voilà, mais vous comprenez bien que en plus vous avez une tomate qui est donc rouge foncé, et vous allez mettre une peinture blanche dessus. Alors quand vous allez le faire, ça va être superbe, mais dès que le frottement, moindre gravier qui va être sous vos pieds, et vous allez faire une rainure, et qu'est-ce que on va voir ressortir? Le sombre en dessous. Donc il va falloir refaire ça tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Donc c'est d'un intérêt, moi je dis, relativement limité. En déco c'est joli, mais ça ne sera pas la solution pérenne à votre problème de tomates. Il y a aussi des résines, hein. Vous pouvez aussi appliquer une résine type résinance qui est un peu plus costaud en termes d'adhérence. Je ne sais pas par rapport à la tomate, ce qui est le mieux. Si c'est peut-être les peintures Julien sont plus, j'irais, adaptées, réfléchies. D'accord. Voilà. Okay. Je crois que c'est Solissimo. Ça me revient. Je crois que c'est Solissimo la peinture de Solissimo. Chez Julien. D'accord. Solissimo. Okay. Eh bien voilà, Amandine. Eh ben, merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci François et Christian. À bientôt. Bonne journée, bon courage. Voilà, et n'hésitez pas à nous rappeler, Amandine. Si vous avez d'autres questions, vous le savez, on est là chaque samedi 8h-10h avec Christian. Et puis, notez que je serai aux côtés de Laetitia Barlerin demain, dimanche. Hein. Vous savez qu'il y a 2 heures dédiées aux animaux le dimanche entre 6h et 8h. Et puis après, on enchaîne avec l'automobile et Jean-Luc Moreau. On accueille Hervé tout de suite. Bonjour Hervé. Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, j'avais une question. Donc on a racheté une maison qui date des années 60 et en fait on a un problème de bruit au niveau des WC parce qu'en fait quand le WC se remplit, qu'il arrive au bout et qu'à un moment donné la bande qui est à l'intérieur bloque l'eau, ça fait un bruit très très fort qui résonne dans toute la maison, voire même chez les voisins parce qu'on a une maison mitoyenne, et j'aurais aimé savoir quelle peut être la raison. Est-ce que ça vient des tuyaux qui sont trop petits ou qui sont dimensionnés différemment d'un endroit à l'autre qui fait que ça fait un bruit comme ça à chaque Alors, fois c'est votre bruit c'est un bruit général de remplissage déjà quand il se remplit ça fait pas de bruit, c'est normal, c'est au moment où à la fin du remplissage où ça s'arrête, on a une très grande vibration qui doit remonter tout le long du tuyau. Et du coup, ça fait un bruit qui résonne dans tous les tuyaux, dans toute la maison. Et donc, à chaque fois que quelqu'un va au WC et que ça se remplit, ça fait du bruit de manière très importante. Alors, vous savez, ces bruits d'eau, si j'ose dire, sont toujours une vraie cata à juguler. Ceci étant, moi, j'interpréterais le phénomène comme un fonctionnement, je dirais, brutal du robinet. Du robinet, donc, c'est-à-dire que vous avez. Elle est ancienne, cette chasse d'eau ? La chasse d'eau elle-même, je pense pas. Je pense que c'est plutôt. Non, elle est. Alors, moi, je serais vous, je remplacerais le robinet, donc, d'arrivée d'eau, donc, dans la chasse, qui est un flotteur. Donc, vous avez un robinet qui donc, ferme l'arrivée d'eau avec, en principe, un flotteur. Et ce qui se passe parfois, c'est que, alors, sur les chasses d'eau anciennes, le flotteur parfois, si vous voulez, reste bloqué et c'est en fin de chasse que finalement il se dit tiens il faut que je remonte à la surface parce que je peux plus respirer, non je blague évidemment, et d'un seul coup plaf il monte et donc il vous fait un coup de bélier dans l'installation d'eau. Donc c'est là-dessus moi je changerais mon robinet de chasse. D'accord. Commencez par changer le robinet de chasse, ça coûte 3 euros 6 balles. Ouais, voilà. C'est rien. Hein, donc changez votre robinet de chasse et il y a des modèles plus silencieux. Alors c'est pareil, vous pouvez d'une façon générale avoir un système qui soit plus silencieux qu'un autre. Par exemple avec un remplissage en fond de cuve qui fait qu'on évite le permanent. Vous voyez comme je fais bien la chasse d'eau qui se remplit. Ouais, c'est impressionnant. Impressionnant. Bon, donc, mais moi, c'est ça. Changez votre robinet de chasse et à mon avis... et puis, revenez nous dire. Ok, ça marche. Okay. Revenez nous dire. Et je voulais quand même dire, je suis un fanat aussi de la Fuego, donc voilà. Mais moi, je suis aussi un défenseur. On a des fois des échanges de mails avec François sur le sujet. Mais attention à la turbo, c'était la meilleure voiture pour grimper aux arbres. Ok, bah bonne journée, merci beaucoup. Turbo essence, hein, j'entends. Ouais, ouais. Ouais. En revanche, si une Fuego fait un bruit de chasse, là, il faut s'inquiéter quand même, parce que c'est pas normal. Merci Hervé, à bientôt. Okay, bonne journée, merci. À bientôt. Hervé. On revient dans un instant et on va poursuivre avec vos questions au 32 16 ou maison@rmc.fr. Je vous rappelle que tout à l'heure on va parler des insectes, comment les éloigner, comment les éradiquer si vous êtes envahi d'insectes, hein, les moustiques, les abeilles et autres, peut-être les frelons aussi, c'est embêtant, hein. Voilà, et puis vous pouvez nous appeler aussi pour témoigner parce que justement vous êtes envahi d'insectes ou alors vous avez trouvé une solution pour les éloigner. À chaque fois, le 3216 ou maison@rmc.fr et n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. On finit par l'Australie après un mois en Asie avec les sacs à dos et hop, retour en France. T'as vraiment de la chance. Et comment tu fais pour ta glycémie ? T'inquiète, j'ai tout prévu. J'ai un nouveau lecteur directement connecté à mon mobile. Avec le nouveau lecteur de glycémie OneTouch VarioFlex, vous savez clairement où vous en êtes. Vous pouvez également gérer vos résultats via l'application mobile OneTouch Reveal et continuer à vivre pleinement. Ok, t'as vraiment tout prévu. Je peux me glisser dans ta valise ? OneTouch, à vos côtés pour avancer. OneTouch VarioFlex est un dispositif médical de diagnostic in vitro de live scan. Consultez la notice, contactez votre médecin ou votre pharmacien. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France ? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Pam pam pam pam. Tu as vu ? J'ai perdu 20 euros depuis le début de l'été. Pas mal. Moi j'en ai perdu 50. C'est pas vrai. Mais si, si, je te jure. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix avec des réductions pouvant aller jusqu'à moins 50%. Alors profitez de l'été avec Darty. Date des soldes selon décret, dans la limite des stocks disponibles et sur produits signalés. Salut vieille branche, bah, qu'est-ce que tu fais ? Je me muscle pour pouvoir soulever tous les sacs de granulés de bois que l'on va me livrer. Mais tu sais pas que Total te livre tes pelets pile dans ton garage ? Pile là où je les empile ? Mais oui, et je dirais même plus pile poil. Ah, oh, oh, ça va mieux. Et oui, Total s'engage à vous livrer vos pellets jusqu'à votre lieu de stockage. Total Pellets Premium, des granulés de bois sélectionnés avec soin par Total pour une combustion optimale. Commandez-les sur masolutionpellets.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. 8h moins le quart, c'est RMC, le week-end des experts. Notre expert maison est là. Fidèle au poste, à l'affût de vos questions, tel l'Arbador qui attend un bout de saucisson. Lui, c'est Christian PC. Et vous pouvez le joindre au 3216. Au maison et mon Arbador, c'est Gary. Et oui, Gary qui évidemment est à l'affût quand il... Non, jamais, je ne lui en donne jamais, ça m'étonnerait. Vous dites ça parce qu'il y a votre femme qui écoute et qu'elle vous engueulera si elle entend ce genre de choses. Ouais. Je vous connais, Christian. Non. Alors, on revient à notre débat quand même, puisque vous savez, vous êtes là pour poser vos questions bricolage maison déco à Christian PC et nous accueillons Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour Sylvie. Bienvenue Sylvie. Merci. Donc ma question était, j'ai mes enfants qui a projet de construire une maison en conteneur et je voulais avoir un petit peu votre avis sur voilà ce genre de construction et puis le devenir, comment ça évolue dans le temps. Alors, ce sont effectivement, ça n'arrive pas à beaucoup décoller en France, hein, parce que d'ailleurs, vous venez bien de prendre l'expression maison en conteneur. On s'imagine tout de suite dans un Algeco ou dans une boîte métallique. En fait, ce sont effectivement des maisons modulaires qui, dont certaines sont absolument bluffantes. Moi, j'en ai visité à côté d'Aix-en-Provence il y a quelques années. On vous amène la maison toute équipée. Mais c'est quoi quand on dit conteneur, c'est comme des conteneurs de qu'il y a sur les gros bateaux. Alors, ça existe. D'exportation. Il y en a, mais ça sert. Ça, en général, c'est pour faire de l'habitat léger, du studio étudiant. Mais lorsqu'on parle souvent maison conteneur, ce sont effectivement des boîtes métalliques, mais qui sont conçues pour ça, qui sont pas forcément donc des conteneurs du commerce, si d'accord. J'ose dire. Donc elles ont été faites pour être des maisons. Voilà, pour en faire une maison. C'est spectaculaire parce qu'en plus elles sont très soignées en termes de déco, d'aménagement, et vous avez pratiquement la boîte qui arrive avec les fleurs sur la table et les couverts et en quelques jours. En plus, ça doit être modulable, on peut en mettre plusieurs, non, voilà, c'est donc ça. Ça se met, généralement, on en fait une maison en L. Hein. Les retours que j'en ai, c'est que c'est fiable. Le seul problème, c'est certainement, j'imagine, à la revente. C'est que malgré tout, ça ne va pas être très noble que de dire c'est une maison en conteneur. Alors on dit c'est une maison modulaire en général. C'est plus sympa. Ouais. Mais c'est aussi assez économique. C'est quoi comme type de maison qu'on propose à vos enfants de ce type ? Bah effectivement, c'est voilà plusieurs conteneurs qu'on assemble. Là, ils sont partis sur 7-8 conteneurs. Ah oui, 7-8 conteneurs quand même. Là c'est oui. c'est combien au sol? C'est 250 mètres carrés, non? Une centaine de mètres carrés. 100 mètres carrés, il y a besoin de 8, ouais, peut-être. Ils veulent faire un étage. Ah oui, ils veulent faire un étage, ouais. Donc voilà, oui. Et c'est vrai que on voit les plans, c'est assez sympathique. Mais voilà, après c'était dans l'isolation, les économies d'énergie. Ça dépend. Ce sont des conteneurs de récupération ou ce sont des blocs, des conteneurs qui sont faits pour ça? Non, ce sont des conteneurs de récupération. Ah, là, il faut voir comment est pratiquée l'isolation. D'accord. Effectivement, il faut voir quelle est la... Alors, peut-être que ce sont parfois des conteneurs déjà isothermes qu'on utilise pour avoir une meilleure isolation. Bon, moi, je vous dis ce que j'en avais vu, c'était très bluffant. Je sais pas combien de temps ils proposent pour monter ça, mais c'est assez spectaculaire. Bah, c'est assez rapide, ouais, c'est vrai. Enfin, bon, après, il veut bricoler un peu par lui-même, mais... hors d'eau, hors d'air, c'est assez rapide, effectivement. Ouais. Mais ils sont déjà tout équipés ou bien justement il veut faire l'équipement lui-même? Oui, il veut faire l'équipement lui-même. Alors attention, parce que ce sont pas des structures faciles à bricoler. Hein, on est quand même dans des boîtes métalliques sur boîtes métalliques. Et il faut vraiment là avoir un bon système de ventilation. Regardez bien. Alors vous savez ce qu'il faut faire. Faut aller prendre des renseignements chez des gens qui ont déjà opté pour cette solution et pour la marque et pour le constructeur que vous allez retenir. C'est vrai là, que le bouche à oreille. Demandez au constructeur qui vous donne une 5 ou 6 adresses de chantier qu'il a déjà réalisé. Et si vous sentez qu'il rechigne, eh bien c'est pas bon signe. D'accord. Non, mais c'est vrai la question, comment on fait pour planter un clou? Ben voilà, il y a tout un... on plante plus de clous là. Merci. Voilà. Eh bien voilà, Sylvie. Bonne journée. Merci. 9h-10, c'est RMC, le week-end des experts à la maison. Marie-Christine nous attend. Bonjour Marie-Christine. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de me prendre au téléphone. Mais c'est et un alors plaisir. Voilà, j'ai acheté une maison des années 75 et le toit de cette maison, je pense, est en ardoise, mais c'est des belles ardoises bien carrées. Je pense quand même que c'est en ardoise. Je ne peux pas y accéder vraiment. Mais alors, il est tout gris. Oui. Il est tout vilain. Alors tous les voisins, ils ont des beaux toits bien lisses, bien beaux gris. Mais moi, il est plein de taches blanches. Alors ça, ce sont des ardoises fibro, c'est-à-dire que ce ne sont pas des ardoises naturelles, qui donc avec le temps, surtout dans ces années-là, se décolorent, se tachent. Bon, les taches, ça peut être simplement des mousses ou des lichens, mais en général, si ça blanchit, ça veut dire que ce sont effectivement vos ardoises qui vieillissent. Alors il existe des peintures spécifiques qui vous permettent de retrouver pendant quelques années la couleur d'origine de votre matériau de couverture, mais ça n'est que reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que moi je l'ai vu faire là, pour tout vous dire, à côté de mes bureaux, il y a un petit hôtel qui est justement avec des ardoises qui a ce problème. Là je les ai vus repeindre il y a à peu près 2 ans et c'est en train de revenir, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution durable à échéance de, allez, je vais dire 4-5 ans maximum. Et alors, est-ce que je peux les laisser comme ça? Ah, vous pouvez les laisser comme ça sans aucun souci, et je serais même tenté de vous dire, en tout état de cause, même si vous deviez y faire quelque chose, n'allez pas les brosser, n'allez pas les traiter vous-même, parce que 75, il y avait de l'amiante dedans, donc c'est pas bon d'y toucher. Vous les laissez tranquillement vieillir comme ça, si ça ne vous dérange pas esthétiquement, ça ne va pas pour autant les abîmer. Assurez-vous quand même de temps en temps, regardez qu'elles ne s'effritent pas, parce que si elles s'effritaient, vous n'y touchez pas, et là il faudrait peut-être envisager son remplacement, le remplacement de ce matériau en tout cas. D'accord, donc pour l'instant c'est pas embêtant. Non, c'est moche. On peut laisser comme ça. Voilà, c'est moche. Jusqu'à ce qu'il meure, quoi. Bah là, vous ferez un remplacement complet, mais vous savez, de toute façon, des ardoises fibro, donc de 75, ça commence déjà à être une durée de vie qui n'est pas anormale, quoi. Donc il serait pas anormal dans les 5 à 10 ans de penser au remplacement. Merci beaucoup Marie-Christine. Tout à l'heure on avait un auditeur qui nous disait qu'il avait du bruit lorsqu'il tirait la chasse, Christian. Oui. C'est le fameux bruit d'eau. Et nous avons Tiens José qui nous dit, ça lui est arrivé aussi, il faut remplacer la soupape de décharge à l'arrivée de l'eau près de la chaudière. La soupape de surpression, nous dit-il. Oui, mais là on parle de WC, on parle pas de chaudière. Ah. Mais est-ce que ça peut pas être... Non, mais c'est la même chose. C'est que, à mon avis, dans cette affaire-là, c'est que le robinet de chasse, il a une soupape, si vous voulez, quelque part. Il a un joint, oui. Un clapet. Et donc, c'est lui qui est retardé. Et quand il se met à fonctionner, il fonctionne brutalement. J'aurais ça. Mais sinon, sur la chaudière, oui, il a raison. Christophe est avec nous. Notre auditeur. Bonjour, Christophe. Bonjour. Bienvenue, Christophe. Oui, je voulais vous voir pour des problèmes de poussière de bois dans des solives et des poutres. C'est une maison qui a environ un siècle, on va dire. Une longère, plutôt. Oui. Et ça vient, on va dire, plutôt deux fois par an. C'est pas régulier. Vous avez du monde qui habite dans cette maison, à part vous, je pense. Oui. Je vais pas dire c'est normal, mais c'est évident que vous devez avoir des insectes xylophages dans la charpente, et puis la sûre apparaît bien quand la bébête est sort, si j'ose dire. Hein, je parle pas de vous, évidemment. vous faites pas de la sûre. Non. Donc évidemment, à ce moment-là, lorsque l'insecte sort, la galerie se trouve libérée et la sûre s'en échappe. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est le type de trou. Dans vos bois que vous avez. Est-ce que ce sont des tout petits trous? À ce moment-là, ce sont des vrillettes et c'est pas une catastrophe. Si ce sont des gros trous oblongs, lorsque vous sondez des galeries parallèles à la surface du bois, eh bien, ce sont vraisemblablement des capricornes et là, ça mérite un peu plus d'attention. Et vous pouvez faire le traitement vous-même. Ça se fait par imprégnation, donc par badigeonnage et pulvérisation, mais il vaut mieux faire à ce moment-là un peu d'injection et vous pouvez vous procurer un matériel, soit en louant, mais sinon un matériel d'injection, notamment Wagner qui fait des pistolets à peinture, eh bien a fait une version de ces pistolets pour l'injection des produits donc de traitement dans la charpente et ça, et vous pouvez le faire vous-même. Faites attention à ne pas vous faire escroquer par quelques entreprises ça peut arriver, margoulines. Hein. Voilà. Et si c'est des petits trous et vous dites que c'est pas grave en soi. Non. Il y a un traitement parce qu'en fin de compte, entre les solivettes, évidemment, j'avais mis du papier. Oui, enfin bon. Non, mais faites un traitement insecticide tel que je viens de vous le décrire. C'est-à-dire, c'est d'abord de l'imprégnation. En plus, aujourd'hui, on en trouve dans le commerce qui est beaucoup moins agressif et beaucoup moins nocif qu'autrefois. On a développé des produits. L'application de ces produits, quand même, il faut se protéger. Bien sûr. Oui, mais on a développé des produits beaucoup moins nocifs. Et au lieu d'avoir des insecticides qui tuent les larves, on a développé des produits qui leur coupent l'appétit. C'est vrai. C'est génial, ça. Ah oui. Hein? Donc, elles reconnaissent plus la cellulose et puis elles meurent dans le bois. Elles meurent de faim. Oui, meurent de faim. C'est horrible, cette histoire. C'est affreux, mais enfin bon, la psychologie du ver du bois, comme on dit, doit être assez limitée. Assez limitée. Ouais. Enfin, voilà. Alors donc, badigeon. OK. Badigeon, et puis si c'est un peu plus conséquent, injection. D'accord. Merci. Voilà, Christophe. Voilà. Allez, badigeon injection, on se croirait presque chez le médecin, hein. Oui, hein, Christian, n'est-ce pas? C'est ça. Bon, alors vous savez quoi? En plus, la question de Christophe était une très bonne introduction pour notre deuxième partie de notre rendez-vous maison. Les insectes, on les a déjà traités, ceux-là. Voilà, il y a pas longtemps. Insectes. Mais là, on va parler des insectes piqueurs, des insectes gêneurs que vous pouvez avoir dans votre maison. N'hésitez pas à appeler nous. Voilà, et on a pas mal de questions. Tiens, tout à l'heure, on retrouvera sans doute la question de Gilles qui nous parle des abeilles, parce que visiblement, et des guêpes, il en a chez lui. Bref, il y a pas mal de questions qui arrivent d'ores et déjà. N'hésitez pas, hein, 3216 ou maison@rmc.fr, un spécial insecte dans quelques minutes après la météo et les infos. Les abeilles. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Carrefour Market fête ses clients! ce week-end, c'est mon tour d'organiser une fête. J'ai invité des copains pour le match des Bleus. Ça tombe bien, Michel. Marquette fête ses clients et jusqu'à ce soir, la basse-côte 2 étoiles Origine France est à 6,70€ le kilo. Parfait. Je vais faire des grillades avec une bonne sauce au bleu. Carrefour Marquette, le plein de fraîcheur et d'économie. Et aujourd'hui, comme tous les samedis chez Carrefour Marquette, c'est moins 10% sur toute la boucherie. Crédité sur votre carte de fidélité. Viande bovine, basse-côte 2 étoiles à griller, le plateau de 4 pièces minimum. Modalité et magasin participant sur carrefourmarquette.fr. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi ? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial ! Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous entendez ? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam ! La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah ! Vous n'entendez pas la différence ? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. C'est l'heure de la météo sur RMC. Alors, la météo de votre week-end avec Christine Peña. Christine, rien ne va plus. Faites un peu grise-mine quand même aujourd'hui. Hein. Oui, aujourd'hui, voilà, on va vite oublier ce samedi. Demain, on aura de belles éclaircies un petit peu partout. D'accord. En revanche, aujourd'hui, c'est très, très nuageux. Dans le nord-ouest, on a des nuages surtout cet après-midi. Ce matin encore, ça va. En Bretagne, en Normandie, cet après-midi, ça va se couvrir de plus en plus. On aura quelques averses ici et là, du nord à la région parisienne, la région centre. Dans le nord-est, en revanche, de la Bourgogne à l'Alsace, la 14 départements sont toujours en vigilance orange et ce sont les orages qui sévissent avec beaucoup de nuages et des averses. Attention, sous les cellules orageuses, on peut avoir des gros coups de vent. Et puis sinon, en Méditerranée, toujours du soleil avec du vent. Le vent chasse les nuages. Nous aurons de belles éclaircies sur la côte atlantique, depuis la Gironde jusqu'au Sud-Bretagne, sur le Limousin. Et puis au pied des Pyrénées, là c'est encore bien bouché. La chaîne des Pyrénées garde les nuages et les averses sont là. Les températures, elles chutent à l'ouest, nous aurons pas plus de 24 degrés du côté de Bordeaux, de Toulouse, 21 à Biarritz, 20 du côté de Nantes, de Rennes, de Paris ou encore de Tarbes, 18 à Brest, mais jusqu'à 33 à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016, avec à 15h, Suisse-Pologne, à 18h, Pays de Galles, Irlande du Nord, et à 21h, Croatie-Portugal. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. Un excellent week-end avec RMC, merci d'être là. 9h, toute l'actualité, Claire Cicaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Londres, le jour d'après, réveil douloureux pour la capitale qui avait voté majoritairement en faveur du Brexit. Un Brexit qui inquiète responsables européens et une grande partie de la classe politique française. Le chômage en légère hausse, plus 0,3% en mai après deux mois d'embellie. Début des huitièmes de finale pour l'Euro et J-1 pour les Bleus. Aucun droit à l'erreur pour la composition de l'équipe qui jouera son premier match à élimination demain. Comment éviter la contagion ? Quelles conditions accorder à Londres pour l'après-Brexit ? Quel calendrier suivre ? Autant de questions abordées dès aujourd'hui lors du premier mini-sommet européen à Berlin entre les ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs de l'Europe. Pendant ce temps, Londres se réveille après le séisme d'hier qui a fait trembler toute l'Europe. Amélie Rosic, vous êtes l'envoyée spéciale d'RMC dans la capitale britannique. Vous avez lu la presse ce matin, la presse qui avait durant la campagne très fortement pris parti pour le oui ou le non à l'Europe. Oui, et ce matin, c'est donc une nouvelle ère qui commence pour les uns. Le Daily Mail dit aux Britanniques « Soyez fiers » en une de son édition du samedi. The Sun, quotidien le plus lu ici, est ouvertement pro-Brexit. Titre sur David Cameron, le Premier ministre, et les raisons qui l'ont poussé à annoncer sa démission hier en lui prêtant ses propos « Pourquoi devrais-je faire le sale boulot ?» Le Daily Mirror, lui, s'attaque au patron stupéfait de l'Union européenne qui ordonne au Royaume-Uni selon le journal, de faire ses valises et de s'en aller au plus vite. Quant au Daily Telegraph, plus plus neutre que ses confrères, il annonce la naissance d'une nouvelle Grande-Bretagne. Du côté des quotidiens qui s'étaient positionnés pour le maintien, eh bien le ton est bien différent, vous l'imaginez. Le Times évoque en une ce matin un tremblement de terre après le Brexit et parle d'un vote qui signe le divorce au sein du Royaume-Uni. Le Guardian, enfin, titre sobrement mais tristement « C'est fini, on s'en va ». Amélie Rosic en direct de Londres pour RMC. De l'autre côté de la Manche, en France, François Hollande poursuivra aujourd'hui ses consultations. Il recevra tous les chefs de parti de 14h à 18h pour des entretiens individuels. À 15h, c'est Nicolas Sarkozy qui franchira le perron de l'Elysée. Le président des Républicains réclame lui de nouveaux traités européens. L'Europe désormais à 27 ne peut plus fonctionner de cette manière. La question de sa refondation profonde et donc urgente, elle n'a que trop tardé. Je demande qu'une réunion de chefs d'État et de gouvernement européens prenne la décision d'élaborer un nouveau traité qui montrera aux peuples de notre continent que l'Europe est décidée à reprendre son destin en main. Sur le plan économique, le vote du Royaume-Uni inquiète. Les entreprises françaises restent dans l'incertitude face à ce Brexit qui va rebattre les cartes des règles du marché entre la France et son cinquième partenaire commercial. Mais pour Loïc Armand, président de la Commission Europe au MEDEF, il faut rester optimiste. Mon conseil à nos amis chefs d'entreprise français, c'est de dire qu'au-delà de l'émotion du jour, de garder leur sang-froid, c'est de cultiver leurs clients britanniques, d'aller les voir assez rapidement pour leur dire « Ok, vous avez souverainement choisi peut-être de quitter l'Union européenne, mais vous restez nos amis et donc continuons à essayer de trouver la façon de travailler ensemble au-delà des difficultés auxquelles nous serons confrontés dans les années qui viennent. » Loïc Armand avec Clément Fraïloli. Nouveau règlement de compte dans les quartiers nord de Marseille. Cette nuit, bilan, 2 morts et une adolescente de 14 ans gravement blessée. La jeune fille a reçu une balle perdue alors qu'elle se trouvait à proximité d'une voiture dans laquelle 2 hommes ont été abattus. Depuis le début de l'année, 16 personnes sont mortes dans des règlements de compte. Selon les dernières nouvelles d'Alsace, un homme a été découvert mort ce matin dans sa cave inondée à Hackenheim dans le Bas-Rhin. 12 communes du département ont d'ores et déjà subi des dégâts dus aux orages. L'examen en première lecture du projet de loi travail achevé cette nuit au Sénat. Le vote solennel à la Haute Assemblée aura lieu mardi. Après 2 mois consécutifs de baisse, le chômage de nouveau en légère hausse, plus 0,3% en mai comparé au mois d'avril, soit 9 200 inscrits supplémentaires à Pôle emploi. Mais il n'y a pas de quoi s'alarmer selon Bruno Ducoudray, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est un soubresaut, c'est une correction de la forte baisse qu'on a eu le mois précédent avec un retour des personnes qui n'avaient pas actualisé leur situation et qui reviennent dans les fichiers de Pôle emploi. On voit qu'il y a une forte augmentation des reprises d'activité, c'est-à-dire que les personnes qui étaient démotivées reviennent s'inscrire à Pôle emploi, peut-être parce qu'elles sentent aussi que l'activité économique se porte mieux et que les créations d'emplois accélèrent. Par ailleurs, on attend la montée en charge du plan de formation qui avait été annoncé en début d'année et donc on s'attend dans les mois qui viennent à la montée en charge de ce dispositif. Et ça va aussi contribuer à la baisse des inscriptions en catégorie A. Bruno Ducoudray, interrogé par Benjamin Smadja. Un verdict plus sévère que les réquisitions du procureur aux assises de Saint-Omer. Fabienne Cabou a été condamnée hier à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de sa petite fille de 15 mois. Elle l'avait noyé son enfant sur la plage de Berck en 2013. RMC 9h05. Les conséquences du Brexit jusque dans le football anglais. La Première Ligue est aujourd'hui le championnat le plus prospère d'Europe. Va-t-elle pouvoir le rester alors même que le Brexit secoue fortement les places financières? Le point avec Maureen Lehoux. Avec la chute de la livre sterling, c'est toute la Première Ligue qui perdrait de sa valeur marchande. Mais pour Bastien Drut, économiste du sport, pas vraiment d'inquiétude à avoir. La puissance financière des clubs de Première Ligue, elle est quand même très très forte. Une dépréciation de la livre sterling de 15 à 20%, ça n'empêchera pas les clubs de Première Ligue de venir recruter en Europe continentale en général. Finalement, c'est surtout sur le terrain que le Brexit pourrait se faire sentir avec le départ possible des stars. Car la règle des visas pour les non-européens s'appliquerait alors à l'ensemble des joueurs de l'Union européenne. Or, les conditions sont drastiques et 122 joueurs ne rempliraient pour l'instant pas les critères, comme les Français Eliakim Mangala, Morgan Schneiderlin ou encore N'Golo Kanté. En attendant d'y voir plus clair, toute la Première Ligue tremble. L'Euro J-1 avant France-Irlande. Hier, les Bleus sont arrivés dans le Rhône pour un ultime entraînement avant son huitième de finale. Premier match à élimination directe pour les Bleus, donc aucun droit à l'erreur pour Didier Deschamps, Mohamed Bouafsi. Et Didier Deschamps ne change pas une équipe qui gagne pour entrer dans la phase à élimination directe et affronter l'Irlande demain. Le sélectionneur des Bleus va aligner une équipe de France sans surprise, la même qui a battu la Roumanie 2-1 lors du match d'ouverture de l'Euro 2016 avec le gardien et capitaine Hugo Lloris dans les cages, à droite de la défense, Bakary Sagna, la charnière des Bleus avec Laurent Koscielny et Adil Rami, accompagné à gauche par Patrice Evra. Au milieu de terrain, N'Golo Kanté, il sera associé à Paul Pogba et Blaise Matuidi. En attaque, le trio de feu de l'équipe de France sera là avec Antoine Griezmann à droite et Dimitri Payet à gauche, associé en pointe à Olivier Giroud, une équipe composée de 6 joueurs évoluant en Angleterre qui seront prêts au combat physique face aux Irlandais. Et puis ce soir, à suivre à 21h, le choc Croatie contre Portugal, le Pays de Galles qui affronte l'Irlande du Nord. Rugby, un match intense, une équipe réduite à 14 joueurs dès la 8e minute de jeu. Et finalement, la victoire pour le Racing 92 qui jouait la finale du top 14 à Toulon, face à Toulon. Résultat 29-21, un sixième bouclier de Brennus pour les Franciliens qui ne l'avaient pas porté depuis 26 ans, d'où l'immense fierté de Jackie Lorenzetti, le président du club. Fier pour mes joueurs, fier pour mes coachs, fier pour mes supporters, fier pour le club. La route était longue parce qu'on a choisi de la faire en côte, c'est-à-dire qu'on a choisi de fonder le Racing, de jouer sur le long terme, de mettre des fondations, c'est-à-dire le club house, l'aréna qui va arriver l'année prochaine est exceptionnelle. Donc voilà, tout ça est construit. Alors ça demandait un peu plus de temps que prévu, mais bon, on va voir l'année prochaine si on digère bien ce titre et cette finale, et si on continue à exister au plus haut niveau, c'est notre but. RMC, 9h passé de 8 minutes. Tout de suite, les experts avec François Sorel. Mais avant, un rappel des pronostics. Avec un tiercé quarté quinté plus cet après-midi à Compiègne, Claire. Sébastien Larras est confiant. Avec l'As Samir et le 4 Brave Impact. Brahim Asloum se méfie du 7 Mo Green. Et Laurent Godard, quant à lui, retient le 11 Versaline. Et le 5 Invilino. Nous avons donc l'As, le 4, le 7, le 11 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts. 8h-10h, votre maison. François Sorel, Christian Pesset. Voilà, 9h10. C'est RMC, le week-end des experts qui repart, et on enchaîne tout de suite avec notre deuxième partie dédiée à la maison, vous le savez, la maison chaque samedi 8h-10h. On va maintenant parler des insectes pendant une heure avec Christian et avec nos invités. Puis bien sûr, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. D'ailleurs, elles sont d'ores et déjà nombreuses au 32-16. Oui, nombreux à nous appeler. Et maison@rmc.fr, comme quoi que c'est un sujet d'actualité. Hein, et on est tous concernés par des invasions d'insectes. Tout à fait. Alors nous sommes avec Stéphane Robert, qui est fondateur et président du site vigilancemoustique.com. C'est vous. Bonjour. Bonjour. Au moins comme ça, le titre du site est évocateur. On sait voilà, on sait de quoi on parle. Stéphane Bras, qui est porte-parole de la chambre syndicale 3D, CS3D pour les intimes, c'est ça? C'est ça, bonjour. Alors, bonjour, on va parler la désinsectisation, mais votre champ d'action de vos adhérents est plus large, puisque ça touche aussi les petites bêtes qui grignotent, par exemple, c'est-à-dire les rongeurs. Et Issam Rahali, bonjour. Bonjour. Vous êtes bonjour. Consultant indépendant, expert en biocides, c'est-à-dire tous les produits qui sont censés tuer tout le monde, quoi. Hop, bon. Et tous les insectes. Dites-moi, nous avons deux exterminateurs. Voilà. Dans le site. Et nous aurons en ligne Pierre Vasseur, président du laboratoire Laboa, donc la marque Manuka, qui est un expert anti-moustique, et puis aussi de tous les produits annexes, parce qu'il y a des bracelets, il n'y a pas que les aérosols. On discutera aussi. Ouais, les bracelets, est-ce que c'est vraiment efficace? Eh ben voilà, justement, il y a une polémique là-dessus, enfin une discussion là-dessus. On va voir comment ça fonctionne. Et puis on parlera aussi des pièges, notamment avec Stéphane Bras, puisqu'il n'y a pas que les produits chimiques pour lutter contre toutes ces petites bestioles très très désagréables. Alors, on vous attend le 32-16. Christian, les questions arrivent, on a d'ores et déjà Samy, on le prend quand on veut. Voilà. Ben on peut prendre Samy tout de suite. Ça sera notre question d'introduction, et on rentre dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de moustiques avec Samy. Je pense qu'on va avoir pas mal de questions sur les moustiques ce matin. Bonjour Samy. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, j'ai des moustiques à la maison. Je suis chez ma compagne, donc on est presque au bord de Marne, à Meaux. Ah oui. Et en plus, il y a un grand parc autour. Donc on est presque envahi, enfin on est envahi de moustiques. Je reconnais une espèce, mais je pense pas que ce soit ça le gros problème. La tulipe, enfin ce qu'on appelle plus précisément, ses cousins. Les cousins, oui, avec des grandes pattes. Oh, ça, je crois pas que ce soit. Non, mais c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Alors, je reconnais pas le nom. Je sais pas comment ça s'appelle. Mais oui, vous lui avez demandé, mais il vous a pas répondu. Donc, non, c'est ça. Ils sont mal polis. Stéphane Robert, vous êtes en date. J'ai un bébé de 14 mois et tous les matins, elle se réveille toute rouge, la pauvre. Sûr. Ouais. Vous êtes dans Paris, c'est ça, Samy? Non, à côté de Meaux. Moi, je suis dans Paris, mais chez ma compagne, elle habite à Meaux. D'accord, bord de Marne. Presque bord de Marne, avec un grand parc autour. Donc, on a compris. Stéphane Robert, vigilancemoustique.com, ça attaque fort cette année, donc, et puis on va ensuite voir les solutions éventuelles. Oui, ça attaque fort. Ça a démarré tard, hein. La saison des moustiques, elle a démarré à la mi-juin. Oui. Mais en particulier dans un certain nombre de départements qui sont placés en vigilance orange, donc ceux qui ont principalement connu les inondations de ces dernières semaines. Et oui, c'est toute la région parisienne, justement. Hein. Et pas que, parce qu'il y a tout le bord de Loire aussi, jusqu'à la Loire-Atlantique, qui sont passés en vigilance orange depuis hier ou avant-hier. C'est-à-dire qu'on y constate des proliférations inhabituelles, ce qui suscite des foyers de piqûres et donc, dans certains cas, des complications pour les personnes allergiques ou autres. Votre carte de vigilance, d'abord, comment elle est établie? Il y a quoi? Vous avez des alerteurs? Alors, on a plusieurs sources. On a des déclarations de cas. On reçoit plusieurs milliers de déclarations de cas chaque année de gens qui, comme monsieur ce matin, signalent qu'ils ont des moustiques chez eux. Alors, ça peut être des moustiques tigres ou ça peut être simplement beaucoup de moustiques et ils savent pas pourquoi. Dans ces cas-là, nous, on vérifie cette information en appelant des pharmacies sentinelles qui sont voisines. Et si l'information nous est confirmée par la pharmacie en question, on la publie sur notre carte qui, du coup, s'actualise avec ces nouvelles données. Mais moi, j'étais allé voir votre carte il y a une semaine et effectivement, elle s'est orangée, si j'ose dire. Elle s'est exactement orangée puisqu'on a 16 départements qui sont passés en vigilance orange ces 48 dernières heures. Les inondations ont eu lieu, vous le savez, il y a 2 ou 3 semaines. Le processus a été un peu plus lent pour que le moustique ait le temps de devenir un moustique adulte parce que les températures finalement ont été assez basses tout ce printemps. Elles se sont réchauffées ces 3 ou 4 derniers jours et ça a donné ce phénomène d'explosion dans pas mal de départements français. Issam Rahali, plein de moustiques. Alors, je veux dire, c'est bien d'avoir une carte, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et à partir de là, pour cette petite fille, c'est quoi? On va pas lui mettre des produits chimiques, on va pas. Si on peut. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire pour cette petite fille, déjà commencer par la protéger par une moustiquaire. Ah oui, c'est tout bête. Déjà, c'est ça, c'est le plus efficace parce qu'en plus. Et puis les moustiquaires aux fenêtres aussi, on peut mettre. Et il faut protéger toute la maison, la moustiquaire du lit, la moustiquaire aux fenêtres, et après éviter d'utiliser certains produits chimiques, surtout sur une jeune population telle qu'une petite fille de 14 mois. Il faut éviter les produits à base de DIT, donc qui sont vraiment à base de DIT. Donc c'est une substance active. Et ça, on le voit sur les produits. On le retrouve dans quoi ça? C'est les bombes, les machins, les trucs comme ça. On la retrouve plutôt dans des produits qui sont des lotions corporelles appliquées sur le corps, donc vendues en pharmacie, en parapharmacie, en grande surface aussi. C'est la substance utilisée par exemple le DIT par l'armée américaine pour protéger ses soldats sur les bébés. C'est pas bon du tout. C'est très efficace, mais c'est très toxique pour les bébés. Et on entend beaucoup parler du pyrètre ou de la pyrètre, c'est masculin. C'est très utilisé en matière d'insecticide ou pas? C'est aussi utilisé en insectifuge et en insecticide, le pyrètre. Parce qu'il peut tuer et repousser aussi les moustiques. Donc, pour cette petite fille, je privilégierai l'utilisation de produits corporels à base d'IR-35-35 ou à base d'icaridine. À base de IR-35-35, c'est le nom de la substance active qui... Vous notez, vous prenez des notes derrière les postes. Donc là, c'est inoffensif pour les bébés. On va pas dire que c'est inoffensif parce que ça reste quand même une substance chimique, mais elle a le profil toxicologique le plus doux. Comparé aux autres, donc pour. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, aussi, on peut mettre, vous savez, ces petits systèmes électriques là, qui sont censés éloigner les moustiques et tout ça. Est-ce que pour dans une chambre pour un bébé, ça peut être toxique ou pas? J'éviterai. Personnellement, j'éviterai d'utiliser des lotions qui sont des produits qui vont tuer les moustiques dans une chambre de bébé. Stéphane Brun, vous voulez dire quelque chose? Oui, absolument. Je rejoins complètement l'idée de la moustiquaire directe sur le petit enfant. Simplement, faut pas occulter que les moustiques vivent dans un environnement assez proche finalement des maisonnées. Et l'idée, c'est d'avoir des méthodes de prévention très basiques à la base. Oui, parce que ça sert à une carte qui vous annonce que vous êtes en vigilance orange. Ça vous fait une belle jambe si vous faites rien, quoi. Absolument. Donc la première méthode, c'est éviter des accumulations d'eau dans des plantes jardinières, les pots qu'on a tous dans nos jardins. Ça, c'est la prévention. Ça, c'est la prévention. Et ensuite, effectivement, lorsque l'on s'en sort pas, faut éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs sans avoir la bonne méthode. Voilà, parce que souvent on va pas pouvoir être en tant que citoyen averti des risques. Donc il y a des applications professionnelles, des gens qui sont certifiés biocide. Il y a un certificat qui est vraiment dédié pour ça. Et c'est biocide. Oui, c'est non le certificat. Comment il s'appelle? C'est le certi phytobiocide. Donc ça, selon que l'on l'applique sur des plantes ou des êtres humains, il y a un diplôme, c'est qualifiant, et seuls des professionnels peuvent appliquer certains sites dont monsieur parlait à bon escient. Voilà, et c'est vrai qu'il faut pas jouer avec l'insecticide. Une bien appliqué, c'est tout à fait raisonnable. Mal appliqué, il peut y avoir du danger. OK. Messieurs, on revient dans un instant, 9h18. Tiens, on a reçu un mail d'une auditrice plus précisément, Annick, qui nous dit qu'elle a la solution miracle pour éradiquer les blattes. Christian. Ah, c'est intéressant. J'ai connu ça autrefois, plus maintenant, mais j'étais en Iran, dans un grand immeuble parisien. Alors, soit on arrive à joindre Annick au téléphone et elle va nous raconter, elle va nous donner sa recette, soit je lirai son mail qu'on a reçu il y a quelques minutes. Le 3216 ou maison@rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler. À tout de suite. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Jusqu'au 10 juillet, suivez tous les matchs de l'UEFA Euro 2016 à la Fanzone Tour Eiffel organisée par la mairie de Paris. Au programme, un écran géant, une fanzone connectée pour tout partager, des concerts, un village restauration, le pavillon de la ville de Paris, du baby foot et du e-sport. Entrée gratuite, toutes les infos sur paris.fr/UEFA Euro 2016. La Fanzone Tour Eiffel avec RMC, partenaire local de Paris Ville Haute. Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Eh ben, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textile, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts demain. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Avec SodaStream, mon eau gazeuse, c'est quand je veux, comme je l'aime. À partir de l'eau du robinet, avec ma SodaStream, en 3 secondes, mon eau est gazéifiée, fraîche ou façon cocktail grâce au saveur SodaStream. Et en ce moment, SodaStream récompense les fans de sport. 40€ offerts sur adidas.fr ou jusqu'à 3 nuits d'hôtel pour deux. SodaStream, à vous l'eau pétillante à volonté et sans effort. Offre soumise à condition. Voir modalité au rayon petit électroménager ou sur sodastream.fr. Pour votre santé, bougez plus. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, des têtes brûlées au volant des plus gros camions du monde. Pieds au plancher, ils tracent sans relâche sur les routes les plus déglinguées du bush australien. Les routes de l'enfer, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte, plus fort que la fiction, Canal 24. Vous entendez? C'est une viande de bœuf charolaise qui grille. Elle est... Oui, parce que si c'était une limousine, ce serait plus... Enfin, beaucoup plus... Miam. La blonde d'Aquitaine, elle serait plutôt... Ah... Vous n'entendez pas la différence? Le plus simple serait de goûter toutes ces viandes de bœuf. Les races à viande, avec toute leur diversité, sont en vedette dans vos points de vente préférés. C'est le moment ou jamais. Les races à viande, plus on les connaît, plus on les aime. Pam palam, pam palam. T'as vu? J'ai perdu 150€ depuis le début de l'été. Faut dire que ça te va bien, mon petit ordi. Oui, je trouve aussi. Pendant les soldes d'été, nos produits perdent du prix. Par exemple, le PC Acer Aspire 5 équipé de Windows 10 avec son grand écran tactile, son processeur Intel Core i3 et sa carte graphique dédiée est à 499€ au lieu de 649, soit 150€ d'économie. Date des soldes selon décret. Offre valable dans la limite des stocks disponibles sur le Acer Aspire E5 573 TG 36 SR. Windows 10, faites les choses en grand. RMC, le week-end des experts, 8h-10h, votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Ce matin, on fait la chasse aux insectes avec Christian Pessé, oui. Nos invités. Croyez-moi, on est remonté comme des pendules. Hein, on va pas se laisser faire, hein, Christian. Les moustiques, les abeilles, les blattes. Non, mais là, franchement, hein, on les éradique tous. Et c'est vrai que dans certaines régions, je pense au Var, c'est un vrai fléau. Moi, je sais vous étiez il y a pas longtemps. Oui, mais justement, maintenant, je descends. Quand je descends dans le Var, j'y descends début juin maximum. Est-ce qu'ils ont embêté vos séances de bronzage, mais, Christian? Presque. Ah. Enfin, vous savez, je suis resté 3 jours entre 2 émissions, donc ce n'était pas non plus le cas. Voilà, nous parlons ce matin moustiques et autres insectes. Nous sommes avec nos invités, donc Stéphane Robert, le site vigilancemoustique.com, Stéphane Brad de la Fédération 3D, et puis Issam Rahali, consultant. Et nous avons en ligne qui nous attend, Pierre Vasseur. Pierre Vasseur, qui est le président du laboratoire Laboa et de la marque Manuka. Bonjour, monsieur Vasseur. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, dites-moi, par les temps qui courent, les produits chimiques, ça apporte tellement bonne presse. Alors, vous n'utilisez que ça, non? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai écouté le début de votre émission. Le plus important, c'est la prévention. Donc, je pense que tous les gens qui sont autour de cette table ont raison. Ouais. Et ensuite, vous disiez que vous n'alliez pas dans le Var après début juin, vous aviez des soucis, parce qu'aujourd'hui, la prolifération des moustiques fait en sorte que, et la nouvelle loi sur le site fait en sorte qu'il y a de moins en moins de produits naturels qui sont autorisés pour se battre contre les moustiques. En moins de produits naturels ou de moins en moins de produits chimiques de synthèse? Non, de moins en moins de produits naturels, parce que la nouvelle loi des biocides fait en sorte que, par exemple, dans certaines maisons, les gens utilisaient de l'huile de lavande, l'huile de géranium et des produits qui étaient naturels pour les utiliser, oui. On en trouvait en pharmacie. Aujourd'hui, la nouvelle loi sur le biocide va interdire tout ce genre de produits-là. En tout cas, elle interdira qu'on les appelle des répulsifs domestiques. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, on utilise des produits chimiques et je dirais que le plus important aujourd'hui, c'est comme on va être obligé de l'utiliser de plus en plus et de plus en plus souvent. S'il n'y a pas assez de prévention, il faut de plus en plus privilégier des produits qui ont des bases cosmétiques, c'est-à-dire que dans lequel on rajoute la molécule après la composition pour la production cosmétique. En clair, on va vous mettre des insecticides dans des fonds de teint, c'est ça, si j'ose dire? Exactement. Alors ça trahira pas jusqu'à. Bah mince, je vais être obligé de me maquiller pour aller à la piscine. Hein. Ça ira peut-être pas. Je veux voir ça, moi, hein, personnellement. Je prendrai des photos. Ça ira peut-être pas jusqu'à les fonds de teint, mais pour vous donner un exemple, nous on est très nouveau sur le marché et toute la gamme Manuka, elle a été basée sur des produits cosmétiques en priorité. Et ensuite, on a adapté les molécules anti-moustiques qui sont l'IR35 et l'icaridine sur nos formules. D'accord. Et puis, ensuite, l'avenir, c'est également des produits accessoires. Aujourd'hui, on arrive à mettre au point des produits accessoires qui sont efficaces. Il y a eu toute la polémique des bracelets, on en parlait tout à l'heure là. On a eu une émission notamment à la télé qui disait que ça servait à rien, mais j'ai vu que vous en vendez. Oui, mais alors ce qui est fantastique, c'est que nous on est les petits poussets. Il y a les gros groupes qui vendent des produits. Numéro 1, il s'appelle Prakito, hein, tout le monde le connaît. Ils ont fait une émission de télé avec leurs produits et effectivement, il est complètement inefficace. Et du coup, la journaliste a dit, excusez-moi, n'attaquez pas les journalistes ici, c'est maladroit. La personne présente, elle a dit, bon, donc tous les bracelets ne servent à rien et ça fonctionne pas. Voilà, donc nous, pour une petite boîte comme nous qui avons un bracelet qui fonctionne très bien et qui a passé tous les tests des biocides, tous les tests de l'OMS, qui est l'Office mondial de la santé, et qui est efficace. Alors effectivement, il y a 15 bracelets qui sont pas efficaces, mais il y en a quand même quelques-uns qui le sont. Et Pierre Vasseur, juste une question. Comment un bracelet qu'on accroche à son bras peut être efficace, par exemple, sur les tibias? C'est ça que j'aimerais que vous nous expliquiez. Ça m'était aussi au tibia. Alors, nous, on a, par exemple, sur notre produit, sur le bracelet Manuka, on a une action qui va de jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 20. Ça veut dire que lorsque vous faut avez... Il ne faut pas être grand, en fait. C'est ça. Effectivement, si on mesure 2 mètres 50, il faut en mettre un à la cheville. Non, mais on mesure tous, pour la plupart, plus d'1 mètre 20. Oui, sauf que si vous le portez au bras, vous n'avez pas le bras au niveau de votre visage, au niveau de votre pied en permanence. Ce qui veut dire que vous allez, et votre bras, il va bouger. Et donc, il va diffuser ce qu'on a mis à l'intérieur du bracelet autour de vous. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'on retrouve l'efficacité. Et nous, on a fait le test de la cage avec notre bracelet et avec notre diffuseur pour les chambres d'enfants, dans lequel on met le bras dedans. Et pendant plusieurs heures, il y a 200 moustiques affamés et ils ne nous piquent pas. Donc, il y a une très mauvaise presse. Et donc, enfin pour l'espèce, une émission à... Oui, oui, oui, à qui... Vous voulez réhabiliter le bracelet, quoi, en quelque sorte. Disons que je voudrais éviter, je veux pas éviter les bracelets, mais il faut que les consommateurs regardent précisément sur les produits qu'ils achètent, savoir si les tests de la cage ont bien été passés par les produits. Et ça pour tous les produits. Parce que si les tests de la cage, qui est un produit, qui est un test extrêmement compliqué à passer, ça veut dire que le produit est bon. Pierre Vasseur, merci beaucoup. Il est pratiquement 9h30. On va revenir dans un instant avec vos questions, bien sûr. Alors là, Christian, c'est l'hécatombe, hein, des questions, véritablement. C'est une émission qui fait le bzz, finalement. C'est fait le bzz. Hein, on peut le dire. Salut Marc. Allez, on revient dans un instant. À tout de suite. Rejoignez les experts maison sur leur page Facebook, Votre Maison sur RMC. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Chérie, Camping Gaz révolutionne le monde du barbecue avec sa nouvelle gamme, entièrement lavable en machine. Si! En quelques secondes, je retire tous les éléments du barbecue que je mets directement au lave-vaisselle. Du coup, avec Camping Gaz, je garde que le plaisir et je gagne du temps pour... Du temps pour moi, pour toi, pour eux, enfin un barbecue qui plaît aux femmes. Camping Gaz. 25 euros remboursés, conditions sur campinggaz.com. Leclerc. Allô Philippe ? Oui mon amour. Mais t'es parti où avec ma voiture ? Chez l'auto Leclerc, je te fais poser des pneus Goodyear. Ah bon ? Ah oui, en ce moment jusqu'à 100 euros de remise en bon d'achat pour l'achat et la pose de 4 pneus Goodyear. Et comme on prend ta voiture pour partir en vacances, il me faut des bons pneus. À prix Leclerc. Du 22 juin au 16 juillet dans les centres L'Auto Leclerc, bénéficiez jusqu'à 100 euros en bon d'achat pour l'achat et la pose complète de 4 pneus Goodyear. Garantie crevaison 2 ans offerte. Voir conditions détaillées et liste des centres L'Auto Leclerc participants sur auto.leclerc. T'as de bons pneus là, tu sais. Embrasse-moi. Votre application RMC Sport évolue. Téléchargez-la gratuitement. RMC Sport, plus qu'une équipe, une Dream Team. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. En ce moment, ce sont les soldes Conforama avec des remises jusqu'à moins 70%. Comme le lave-linge Daewoo, 8 kilos à 299,88€ au lieu de 495€, soit 40% de remise. Eh ben... Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y! Conforama, il ne tient qu'à vous d'en profiter. Voir conditions, dates et magasins participants sur conforama.fr. C'est l'heure de la météo sur RMC, la météo de ce week-end avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. Des orages, 14 départements en vigilance orange de la Bourgogne à l'Alsace et c'est toute la journée que les orages vont gronder. Ailleurs, c'est nuageux, beaucoup de passages nuageux en Île-de-France jusqu'à la région centre avec quelques éclaircies quand même et toujours une menace d'averse. Près des Pyrénées également, vous avez beaucoup de nuages avec des averses. En revanche, au nord des Landes, jusqu'à la Gironde, jusqu'au sud de la Bretagne, là les éclaircies vont se développer et là, largement jusqu'au Limousin pour cet après-midi. Les températures, elles chutent. 19 à Lille cet après-midi, 20 à Paris comme à Rennes, Nantes et Tarbes, 21 à Biarritz, 23 à Strasbourg, jusqu'à 28 à Perpignan et toujours très chaud en Méditerranée avec 33 à Marseille. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. RMC 9h30, un point sur l'actualité avec Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Isme, comment éviter les répliques? Question au cœur de la réunion aujourd'hui à Berlin, le premier mini-sommet de l'après-Brexit. Les six ministres des Affaires étrangères des pays fondateurs se retrouvent pour discuter du choc venu d'outre-Manche. Il s'agit désormais de fixer un calendrier précis pour la sortie du Royaume-Uni, des conditions de cette sortie aussi. Ce matin, Frank-Walter Steinmeier, le chef de la diplomatie allemande, prévient « On ne laissera personne nous prendre notre Europe ». À Paris, François Hollande poursuit, lui, ses consultations. Il reçoit cet après-midi tous les chefs de parti en entretien individuel avant de dîner avec Matteo Renzi, le chef du Conseil italien. Sur le plan économique, le Brexit ouvre une nouvelle page faite de beaucoup d'incertitudes. Moody's a donc abaissé sa note sur le Royaume-Uni. L'agence de notation craint des conséquences négatives sur la croissance à moyen terme. Nouveau règlement de compte sanglant dans les quartiers nord de Marseille. Hier soir, une adolescente de 14 ans a été grièvement blessée par des tirs de Kalachnikov. Elle se trouvait à quelques mètres d'une voiture où deux hommes hommes ont été abattus. Elle s'est prise une balle perdue dans le dos. Ses jours ne sont plus en danger. 12 communes du Bas-Rhin touchées par les inondations. Ce matin, les pompiers sont déjà intervenus près de 400 fois. Le chômage repart à la hausse, plus 0,3% en mai dernier, soit 9200 demandeurs d'emploi supplémentaires, dont près de la moitié de jeunes. Aux États-Unis, 23 morts suite aux inondations et aux pluies torrentielles qui ont frappé la Virginie. Jamais depuis plus d'un siècle, cet État n'avait connu de pareilles intempéries. Rugby et l'exploit du Racing 92 hier soir à Barcelone face à Toulon en finale du top 14. Les Franciliens ont battu les hommes de Bernard Laporte, 29-21. Cela faisait 26 ans que le Racing 92 n'avait pas soulevé le bouclier de Brennus. Début des huitièmes de finale de l'Euro. À 15h, la Suisse affronte la Pologne. À 18h, le Pays de Galles affronte l'Irlande du Nord. Et à 21h, le choc Croatie contre Portugal. Quant aux Bleus, ils sont arrivés hier dans le Rhône pour un ultime entraînement avant France-Irlande demain dimanche à 15h. Vous écoutez RMC, 9h passé de 32 minutes. L'heure de retrouver François Sorel. Merci beaucoup Claire. On est au cœur de ce rendez-vous maison. Un spécial insecte ce matin avec Christian Pessé, nos invités. On attend vos questions au 32-16. À tout de suite. Retrouvez tout RMC sur rmc.fr. Christian Pessé, attention. Oui, c'est la question flash. Allez-y. Attention, est-ce que vous êtes prêts à être flashés? Oui, tout à fait. C'est la question de Fanny. J'aimerais installer un beau dressing dans une petite pièce de nos combles. Oui. Quelles sont les solutions à adopter? Quels sont les matériaux et l'organisation des éléments? Alors, vous savez, le dressing, maintenant, quand on a effectivement la place, notamment dans les combles, eh bien, ça devient une pièce à part entière, parce que j'allais dire une pièce de vie. Non, on va pas y vivre de l'or, mais enfin, ça devient une pièce qui fait l'objet de tous les soins. Alors, suivant le volume disponible, eh bien, on pourra avoir trois configurations. Si on a la chance d'avoir une véritable pièce avec en U, c'est-à-dire avec les trois pans utilisables, eh bien, on fera donc une configuration en U. On habillera tous les pans. On mettra même une glace au fond, comme ça, ça donnera un peu plus de volume à la pièce. Si on a un couloir, eh bien, on fera une configuration en ligne. Et si on a en angle, eh bien, on fera un pan coupé. Donc, une organisation un peu moins commode. Mais c'est pas mal non plus. Alors, on verra si on y met une porte, des portes ou pas. La tendance est sans porte, mais attention à la poussière, surtout dans les combles. Alors là, on utilisera soit des portes pivotantes si le dégagement est suffisant, accordéon si le dégagement est un peu moindre, et puis coulissante à galandage si possible, si on a très peu d'espace. Alors pour les matériaux, eh bien, on utilise classiquement du bois, mais ce sont souvent aujourd'hui des panneaux plaqués avec le champ plaqué également. Ce sont souvent des caissons en kit qu'on associe les uns à côté des autres, voire qu'on monte, vous savez, en ayant toujours une pièce de plus à la fin, comme dit l'humoriste. C'est souvent assez cher et donc on peut aussi réaliser cela soi-même. Une idée, le faire en placo avec une ossature métallique. Et le 32-16 toujours à votre disposition. Christian Pessé est là, vous le savez, chaque samedi, 8h-10h sur RMC. N'hésitez pas, 32-16, on vous attend. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 732-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à 10h, votre maison. Christian Pessé, François Sorel. Et du coup, je vois François qui se gratte. c'est sans doute psychosomatique. Ça doit être psychologique. Oui, parce que je pense que dans le studio d'RMC, il n'y a pas de moustiques. Enfin, nos experts sont là. Vous en avez vu, messieurs? Non? Tout va bien? Aucun. Voilà, aucun. On est tranquille. Pas pour le moment. Christian, avant de repartir avec les questions de nos auditeurs et poser toutes ces questions à nos invités, nous allons écouter Annick. Annick a une recette miracle, visiblement, contre les blattes. Bonjour, oui, Annick. Les blattes, autrement dit les cafards. Quoi. Oui, c'est ça. Bonjour, oui. Annick. Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Alors, mais on vous écoute, Annick, religieusement. Voilà, une recette miracle contre les blattes que j'ai essayé chez moi et depuis, j'en ai jamais eu une seule. Ah. Alors, donc, vous achetez en pharmacie de l'acide borique. C'est un petit sachet, ça coûte environ 5 euros. Ça se présente comme du sel fin, un petit peu. Ouais. Voilà, que vous mélangez à du lait concentré sucré. Donc, ça fait un genre de pâte. Avec cette pâte, vous faites plein de petites boules, de la grosseur un peu un gros petit pois, quoi, on va dire. Ouais. Et vous parsemez tout l'endroit où les blattes passent habituellement. Alors moi, c'était plutôt dans la cuisine, évidemment. Ouais. On en met un peu partout. Et en fait, quand elles ingurgitent ce produit, parce qu'elles sont attirées, parce que c'est un peu sucré, on m'a dit que ça les empoisonne pas vraiment, ça leur détruit l'estomac. Alors, vous voyez, bon. C'est sympa, donc, ça. Donc, elles meurent. Oh, c'est sympa. Écoute, alors, on va demander à notre spécialiste, donc consultant dans ce domaine, Issam Rahimi. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée, ça? Est-ce que ça peut être aussi efficace contre d'autres insectes? Parce que les blattes, qu'est-ce que c'est casse-pieds? Moi, j'en ai eu dans un grand immeuble parisien. Jamais réussi. Avant, j'avais essayé plusieurs modes impossible. Oui. Voilà, Issam Rahimi. Il faut savoir que l'acide borique, l'ingrédient que madame utilise, a des vertus insecticides. Donc, elle est, en le mélangeant avec du lait concentré, les blattes mangent tout et n'importe quoi. Donc, elle est en train de les empoisonner, mais elle est en train de les tuer. Parce qu'en ingurgitant le lait concentré avec l'acide borique, elle les tue. Oui. Mais alors, c'est un produit, par exemple, qui est utilisé, qui est autorisé aujourd'hui dans vos configurations? L'acide borique fait partie des substances qui sont en évaluation en TP18, c'est-à-dire pour être autorisées en tant qu'insecticide. D'accord, mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Donc, vous pouvez nous en parler, allez-y. Oui, non, absolument. Issam a raison. Stéphane, on est clairement dans l'utilisation de produits biocides. On est obligé d'avoir des homologations, autorisations. Sinon, on va contrevenir à la loi. Et d'autre part, les préparations. Par exemple, avant, on traitait, par exemple, les rats, on mettait une petite préparation, on mélangeait ça à du raticide. Et c'est pas autorisé. Le blé empoisonné, ça existe plus. Mélanger à des croissants, c'est plus autorisé. Il faut absolument des produits qui soient autorisés, homologués et appliqués dans les bonnes conditions. Donc il y a ce qu'on appelle une AMM, une autorisation de mise sur marché, et il y a une fiche technique. Et cette fiche technique, si même le citoyen ne l'utilise pas, il est contrevenant à la loi, il prend des risques. On parlait tout à l'heure des... Merci beaucoup Annick, en tout cas, pour votre recette. Merci. Vous allez pouvoir la commercialiser. Juste une chose, c'était pas une recette de cuisine, pour tous ceux qui viennent d'arriver. Ne mélangez pas l'acide borique et du lait concentré pour l'apéritif, par exemple. Ça marche pas, c'est pas bon. Moi j'avais juste une petite question, parce qu'on parlait des moustiques tout à l'heure. Est-ce que les moustiques deviennent de plus en plus résistants face à tous ces insecticides? Ils développent des résistances, c'est clair. Les uns et les autres ici autour de la table, on le constate. C'est la raison pour laquelle il faut utiliser, j'ai tendance à dire, la boîte à outils de la lutte antiparasitaire. Les acteurs de la CS3D, par exemple, utilisent aujourd'hui des méthodes de prévention, d'analyse, d'évacuation des risques du gîte larvaire, et en dernier lieu, et d'une manière ciblée, les insecticides. Mais je pense que mon voisin aura aussi une autre idée sur le sujet. D'autres signes de cette adaptation, les moustiquaires, aujourd'hui l'un des principaux outils pour lutter contre le paludisme en Afrique, c'est la moustiquaire imprégnée d'insecticides et de permétrine. Il a été constaté que les moustiques, donc l'anophèle, celui qui transmet le paludisme, résistent de mieux en mieux à cette molécule-là précisément. Donc il y a une recherche à faire pour... renouveler les molécules pour Il y a des recherches en fait, voilà. Est-ce qu'il y a des laboratoires qui travaillent à des molécules qui pourraient être efficaces contre tous ces insectes? Alors, il y a plein de laboratoires qui travaillent pour la lutte contre les moustiques, pas forcément pour chercher de nouvelles molécules, ça peut être pour chercher des vaccins, ça peut être pour modifier les moustiques eux-mêmes génétiquement afin qu'ils ne se reproduisent pas ou on les stérilise. D'accord. Et donc, il y a tout un tas de laboratoires parce que derrière, il y a un enjeu considérable. Vraiment. Les moustiques, c'est l'un des animaux les plus dangereux du monde et donc, il est important de pouvoir protéger la population contre les moustiques. Issam Rahimi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose par rapport à l'aigle. Question, est-ce qu'il y a des nouvelles substances qui sont en cours d'être développées? En fait, l'Union européenne a établi un plan depuis 2006 que toute personne ou toute société qui a développé une molécule qui pense qu'elle a des vertus insecticides ou insectifuges, elle devait défendre cette substance-là et déposer un dossier pour que cette substance-là soit autorisée et reconnue en tant que telle. Cette procédure, elle est très, très lourde et très coûteuse. Donc aujourd'hui, il y a de moins en moins de substances susceptibles d'être acceptées. C'est trop compliqué, quoi. Oui, trop cher. Parce que c'est trop cher pour le petit laboratoire que je peux, moi, trouver une petite plante que j'extrais une huile d'elle et elle a des vertus insectifuges. Si j'arrive pas à démontrer via des études cliniques et passer des années à démontrer son efficacité et son inéquité... C'est aussi pour pas empoisonner les gens. Exactement. D'accord. C'était dans ce but-là, mais l'innovation en termes de substances actives est réduite. Bon, messieurs, est-ce que vous êtes spécialiste des mouches aussi? Oui, ça va? Oui, vous maîtrisez? On a quelques idées. Oui, il y a peut-être des pièges, tout ça aussi. On va parler des pièges. Parce que nous avons Brigitte qui nous appelle au 3216. Bonjour Brigitte. Oui, bonjour messieurs. Bonjour Brigitte. Alors moi je vous appelle pour un problème de mouches. Oui. Alors j'habite dans une grande maison et je suis depuis de nombreuses années infestée par de grosses mouches, les grosses mouches que l'on trouve en général dans les fermes, dans une pièce de la maison, dans une chambre en particulier. Et bon, je n'arrive pas à éradiquer ce problème qui est récurrent et qui se produit maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Voilà ma question. Eh bien, c'est une bonne question parce que moi, je l'ai eu aussi il y a un certain nombre d'années. J'avais une grande maison un peu comme vous à la campagne. Et c'était une résidence secondaire et à chaque fois que j'en revenais, j'avais presque un tapis de mouches dans certaines pièces. Et en revanche, quand on était là, on voyait pas de mouches. Alors, il y a véritablement c'est là ça, c'est un peu répugnant. Un peu un mystère. Pardonnez-moi, je vous coupe. La seule différence, c'est que moi, j'habite la maison. Ce n'est pas une maison secondaire. C'est ça. Voilà. Stéphane Bras. Je suis en permanence, Stéphane Bras, c'est S3D, est-ce qu'il y a aussi des solutions de pièges, par exemple? Oui, il y a des solutions de pièges. Mais l'origine, c'est quoi, ces grosses mouches? L'origine, si vous voulez, c'est que les mouches, c'est très vaste. Mais donc, celles qui nous amènent au quotidien, c'est des mouches qui, faut pas l'oublier, sont très néfastes au niveau hygiène. Elles se développent sur des matières organiques en décomposition. Je vous fais pas de dessin. Dans la campagne, c'est très fréquent. Il y a des vaches, il y a des chevaux. Oui, bien sûr. Dans un milieu urbain, quelques matières organiques qui soient abandonnées, des poubelles, etc., ça va se développer dessus. Donc c'est vraiment pas propre. C'est vraiment pas très propre une mouche, voire pas du tout. Donc la solution, c'est déjà, si autant que faire se peut, trouver ces matières organiques et les éliminer. Ça, c'est très difficile. Une fois qu'on a les mouches là, la meilleure solution, elle est plutôt, on va dire, écologique, c'est l'installation de destructeurs électriques d'insectes volants. Les petits trucs qui crament les mouches là. Ça ne fait plus bzzz, globalement, le bzzz balançait des... Qu'il y avait chez les bouchers. Chez les bouchers aujourd'hui, ces appareils-là vont projeter directement ou indirectement des particules d'insectes au contact de la grille électrique. Oui. Donc ça, faut éviter. Oui. Parce qu'on va promener des bactéries dans l'environnement. En plus, c'est pas terrible ça. Non, donc il y a des appareils professionnels qui sont adaptés et qui captent les insectes les mouches sur de la glu. Donc attiré par de la lumière, comme vous avez chez le boucher, mais ça va être capté par de la glu. Donc c'est hygiénique. Donc elles n'explosent pas, quoi. Elles n'explosent pas. Ça régule la présence, voilà. Et ensuite, lorsque vous avez, par exemple, dans votre maison, si vous avez des chambranles de fenêtres, des chambranles de portes, là, il faut utiliser précisément un insecticide de contact qui évitera les mouches qui se reproduisent à ces endroits-là. Juste, ça vous va, Brigitte? Oui. Merci beaucoup. Insecticide de contact au niveau des joints de fenêtres, par exemple. C'est pas idiot, ça. Et le destructeur, mais pas n'importe lequel, pas ce que vous trouvez rapidement en grande avec surface. Vous parliez de lumière. Après, de nettoyer tout ça, c'est dégueulasse. Vous parliez de lumière, mais c'est vrai qu'il y a quand même des légendes qui disent que les insectes sont attirés par la lumière, et d'autres disent que c'est pas vrai. Non, c'est pas une légende du tout. Vous avez des longueurs d'onde précises et ces appareils professionnels sont équipés de ces tubes qui dégagent cette longueur d'onde et c'est pas une légende du tout. C'est scientifiquement étudié et elles sont attirées. Enfin, les insectes sont attirés et on a même des études selon les insectes. Il y a des longueurs d'onde différentes. L'idée, c'est de travailler principalement sur les mouches, par exemple, parce que c'est celles qui nous embêtent le plus. Mais également, on parlait des moustiques tout à l'heure. Par exemple, on dit les moustiques, il faut pas laisser une chambre allumée parce qu'ils rentrent. Et d'autres disent que c'est pas vrai, ça sert à rien. Stéphane Robert. Alors, la vérité, c'est que les moustiques, ils sont surtout attirés par les odeurs. C'est plutôt le CO2. Quand on ouvre la fenêtre d'une chambre, quand on dort la nuit, le moustique, il va être attiré par la respiration qui dégage du CO2. Et c'est ce CO2-là qui va attirer le moustique, pas la lumière. La lumière, il s'en fiche, en fait. La lumière, il est beaucoup moins sensible, il est quasiment aveugle, alors qu'il a un système olfactif très très puissant. Pourquoi les femmes sont plus touchées que les hommes? Non, je crois pas que ce soit. Non, mais il y a des peaux qui sont plus attirantes que d'autres. Alors, pour les moustiques, c'est pas la peau exactement, c'est l'odeur que dégage le corps. Ah oui. Donc principalement le CO2, mais le corps peut dégager. Ça dépend du patrimoine génétique qu'on peut avoir. Il y a quand même des gens qui sont plus piqués. Il y a un moustique, il est pour ma femme. Moi, ça m'arrange. Absolument. C'est l'un des meilleurs anti-moustiques, c'est d'avoir quelqu'un qui les capte à côté de vous, et comme ça, vous êtes tranquille. Ben, c'est pour ça que je l'ai épousé d'ailleurs. Écoutez, alors, pas servir à ça. Je vous laisse. Véritablement la responsabilité de vos propos. Christian, je pense que vous allez passer un excellent week-end. Oui, ça va être difficile de rejoindre. Lorsque Annie va vous retrouver dans quelques minutes, il est 10h moins le quart, c'était RMC, on revient dans un instant, on évoque les insectes jusqu'à 10h, n'hésitez pas à nous appeler 3216, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre maison. Salut, c'est Jeannot Rességuier. Ça y est, on y est en huitième de finale, mais on tarde un peu à convaincre. Hein. France-Irlande, demain à 15h, je compte sur vous, les Bleus comptent sur votre soutien, et cette fois-ci, sans le moindre coup de main. L'Euro, c'est vraiment unique sur RMC. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chaud! Qui veut des choux? Choux. Mais ça, c'était avant. Chouchou! Qui veut des chouchous? Des bons chouchous! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Entreprises et salariés du transport, conducteurs, passagers, en cas d'arrêt cardiaque, vous avez tous un rôle à jouer pour sauver des vies. Rejoignez la Fondation Cartet-Prev et l'association RMC-BFM sur les routes de France, mercredi et jeudi, pour apprendre les gestes qui sauvent et l'utilisation d'un défibrillateur. Découvrez les étapes sur www.lesprosdelaroutonducœur.org et suivez l'opération sur la page Facebook de l'association RMC-BFM. Il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein. C'est au rayon fruits et légumes, les abricots calibre 45-50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait. 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants, liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. RMC, le week-end des experts. Votre maison, François Sorel, Christian Pesset. Non mais, Christian, arrêtez d'imiter le moustique, vous le faites très mal. Ah, voilà, ça y est, vous l'avez eu. Alors Christian, on a beaucoup de recettes concernant les blattes et les cafards pour les éliminer. Nous avons par exemple Jean-Marie qui nous dit: j'ai une recette très efficace pour repousser les cafards, des pièces dont les ouvertures sont de type menuiserie alu. Il suffit de répandre du bicarbonate de soude sur les rails intérieurs des menuiseries, et depuis que j'ai fait ça, j'en ai plus vu un seul. Alors je sais pas si du bicarbonate de soude. Je suis assez sceptique, c'est vrai que nos invités font l'amour, ont un drôle de regard. Nous avons Julienne qui est là. Bonjour Julienne. Bonjour. Bonjour Julienne. Bienvenue. On vous écoute. Bonjour monsieur. Ben moi j'ai eu la bonne idée de mettre de la laine de verre dans ma cabane de fond de jardin et j'ai un nid de frelons. Ça n'a rien à voir avec la laine de verre. Hein. Non, bien sûr que non. Et vous avez un nid de frelons et il vous gêne évidemment parce que vous avez peur de vous faire piquer, j'imagine. Bah voilà, puis j'ai un petit garçon donc je voudrais pas qu'il se fasse piquer. Stéphane Bras, les frelons, c'est dangereux. Il faut vraiment prendre toutes les précautions. Est-ce que c'est intelligent de demander, de dire d'intervenir soi-même? Bon, il y a les pompiers, mais on sait que de plus en plus, ils rechignent à se déplacer pour ce genre de... C'est 131€, les pompiers. Je les ai appelés, c'est 131€. Oui, mais de toute façon, alors là, je peux vous dire qu'à mon avis, vous n'allez pas échapper à une facture, parce que sinon, c'est quoi? C'est un pro? Oui, c'est un pro pour deux raisons. C'est qu'effectivement, la madame a son nid de frelons visiblement dans une toiture d'abri de jardin, mais parfois ils sont bien plus hauts, dans des arbres, sous des sous-toitures. Donc l'accès est déjà difficile. Et en plus, comme vous le savez, le frelon, c'est plutôt agressif et donc a tendance à piquer avec des conséquences qui sont importantes. Donc vraiment, la recommandation et le conseil, c'est de passer effectivement soit par les pompiers quand ils peuvent le faire, soit par un professionnel, parce que le danger est là, de risque de piqûre, de risque de chute, parce qu'on est très affolé quand on va monter dans un arbre ou sur une toiture. Mmh. Et si les frelons s'agitent et viennent vous piquer, bah forcément vous paniquez et vous risquez de tomber. On a donc des frelons autour de nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on les laisse? On ne fait rien? On n'essaie pas de les éloigner? Il y a un comportement à... Non, en fait, si vous voulez, les quand vous avez des frelons autour de vous, c'est qu'il y a forcément un nid de frelons dans l'environnement et que ça va s'arrêter. Ils vont venir vous embêter parce qu'ils cherchent de la nourriture. La nourriture, c'est pas nous, ça va être des aliments. Donc nous, sur une terrasse, un appartement, on mange avec les fenêtres ouvertes. Donc on a le risque que les frelons viennent nous embêter. Et c'est à ce moment-là qu'ils viennent vous piquer parce qu'on gêne leur activité de nourriture. Alors moi, j'ai une astuce sur le frelon que j'ai utilisé il y a des années. Je localisais le nid de frelon et la nuit, mettre une lampe au-dessus d'une assiette ou d'une bassine d'huile de vinange. Et une fois sur deux, le frelon, il se trompe. Il va vers la lampe ou vers le reflet. Et quand il va faire le reflet, eh ben, il s'englue dans l'huile. Et c'était des dizaines, pour pas dire des centaines de frelons que j'ai pu récolter comme cela. Bon, c'est assez aléatoire. C'est en fonction de l'endroit où je tourne le nid de frelon. Oui, c'est ça. Il faut localiser le nid de frelon, il s'embralie. Ce que je voulais rajouter, c'est que les frelons sont attirés par le mouvement. Le plus on va s'agiter, le plus ils vont nous attaquer. Ils sont quasiment aveugles, ils ne voient pas. Mais donc, s'il y en a qui circulent autour de nous, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas s'agiter trop parce qu'ils vont continuer à nous attaquer jusqu'à nous éloigner parce qu'ils ont la notion de territoire, ils sont en train de protéger leur nid. Autre chose qu'on pourrait faire, si on a des enfants qui jouent dans le jardin et qui à côté d'un nid de frelon, on peut utiliser certains produits qui sont répulsifs parce que certaines molécules actives sont aussi efficaces contre le frelon pour les repousser. D'accord. Alors c'est quoi ces produits répulsifs? Parce que anti-frelon. Bah c'est les produits contre les moustiques. Certains produits contre les moustiques sont aussi efficaces contre les frelons pour les repousser. Mais ce que je recommanderais aux gens, aux enfants, surtout s'ils sont à côté de frelons, c'est de ne pas s'affoler, de ne pas trop s'agiter pour éviter. Même chose, j'imagine pour les guêpes et les abeilles, non? Il ne faut pas gesticuler dans tous les sens. Pareil pour les guêpes, oui. Stéphane Bras, est-ce qu'on pourrait revenir quand même, bon, moi, c'était un piège tout à fait élémentaire, mais ça existe quand même, les pièges à insectes, les pièges à blattes, moi, j'en ai utilisé autrefois lorsque j'en étais ennuyé. Est-ce qu'il y a une panoplie sérieuse? Est-ce qu'il y a aussi des recherches là-dessus qui sont faites? Oui, absolument, ça fait partie de la caisse à outils des professionnels, le piégeage, l'attraction. Soit on s'en sert pour détecter une présence, c'est-à-dire on va servir de piège détecteur. Comme les termites, par exemple. Absolument, comme les termites. Autre chose. Pour les blattes, on a également à base de phéromones, des pièges qui vont détecter et quantifier la présence. Pour ce qui est des frelons et des guêpes, bon, là aussi c'est des méthodes quelque peu anciennes, mais il y a des pièges qu'on peut installer dans le jardin. Alors c'est le conseil que l'on donne nous en tant que professionnels, c'est des installations à bonne hauteur. Donc ça, il faut un conseil à la bonne hauteur de vol des insectes cibles et en amont du printemps, forcément au moment où on est en pleine crise. Avec des cônes inversés, là, et insectes pénètrent dedans. Tiens, beaucoup de questions et de réactions concernant les moustiques. Et typiquement, Thierry nous dit, pour info, moi, j'ai un appareil à la maison qui est une espèce d'anti-moustique qui fait du bruit, en fait, et qui tue les moustiques jusqu'à une superficie de 400 mètres carrés. Est-ce que ça marche, ces appareils qui font des bruits qui éloignent les moustiques ou c'est du marketing, des ultrasons, des choses comme ça? Personnellement, il n'y a pas une efficacité démontrée sur ces appareils-là, sur ces applications-là aussi qu'on met sur les téléphones, qu'on dit qu'elles génèrent des ultrasons et tout ça. Mais ça ne servait à rien du tout. C'est pas efficace. Par exemple, LG vient de sortir une télé anti-moustique, c'est-à-dire que lorsque vous regardez la télé, ça émet des sons qui éloignent les moustiques aussi. Donc espérons que ça n'éloigne pas les téléspectateurs. ça serait embêtant quand même. Donc non, ça c'est pour vous, ça sert à rien. Pour l'instant, c'est pas démontré. Et puis rappelons-le, la prévention, pas de soucoupe en dessous les plantes, dans le jardin immédiatement. Il y a peut-être quelques, et puis on sait qu'il y a peut-être aussi quelques plantes aussi qui repoussent, non? Alors les eaux stagnantes, on sait qu'il faut pas d'eau stagnante. Ce qu'on ne sait pas, c'est que il suffit de très peu pour que un moustique se reproduise. Donc il faut aller guetter dans le jardin, partout, dans les gouttières. Il faut traquer. Il faut traquer l'eau stagnante, soit la vider, soit renouveler l'eau des vases. Il y a des campagnes d'ailleurs sous les tropiques, notamment dans les dom-toms. Chaque année, c'est la première des mesures à faire, c'est la prévention des eaux stagnantes. Et c'est le cas parce qu'à la CS3D, nous avons été interrogés par des élus parce qu'ils se préoccupent. Nos élus se préoccupent de la situation. Et donc en fait, il y a des collèges entiers de scientifiques, de spécialistes et d'experts qui ont été interrogés sur le sujet. Et encore une fois, on est tous d'accord sur cette idée de la prévention. Et je rejoins Monsieur Robert. Le moindre petit récipient est un gîte larvaire pour le moustique tigre. Donc c'est une méthode, je dirais, une approche citoyenne. Il faut savoir qu'il faut vider tout ça. Très bien, merci Stéphane Robert, vigilance-moustique au pluriel.com, Stéphane Brad, la CS3D, et Issam Rahali, donc le consultant indépendant. Sans oublier Pierre Vasseur de chez Manuka qui était tout à l'heure avec nous. Merci. Bon, merci. Ça volait haut ce matin. Franchement, on a fait très très fort. Serge Simon est avec nous. Salut Serge. Ah, ça c'est un gros moustique. Hein. Je l'attendais celle-là. Salut les gars, comment ça va? Bon, la radio qui est loin des auditeurs, ça existe toujours pas non plus. Hein. Ah non, la télé, j'ai compris, mais la radio c'est bon. Sauf à partir de 10h là sur RMC. Ah, celle-là, tu l'as un peu cherché. Tu l'as cherché, hein. Bon, Serge, au menu des GG. Allez, du football, du rugby, puis les conséquences du Brexit, parce qu'effectivement, ça concerne tous les secteurs, y compris le sport, le Brexit. Eh ben, ça va faire que l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe et que les joueurs qui jouent là-bas, les joueurs européens, seront considérés comme extra-communautaires. Il y a plein de Français qui sont concernés. L'impact du Brexit sur la Première Ligue, c'est un des débats qui nous mèneront jusqu'à 13h. Voilà. Sacré pagaille, ce Brexit. Tout à l'heure, Serge, avec Christophe Cessieux. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur RMC dès 6h. Portez-vous bien et bon week-end. RMC, 10h-13h, les grandes gueules du sport. Votre toit protège votre famille. Mais qui protège votre toit? C'est Ciplast, bien sûr, le leader de l'étanchéité à l'eau, à l'air et au vent depuis 60 ans. Grâce aux barrières radiantes de sous-toiture Thermix et Super Reflex, prolongez la durée de vie de la charpente et augmentez le confort thermique de votre maison en gagnant jusqu'à 6 degrés, été comme hiver. Demandez à votre couvreur et retrouvez toutes nos solutions de sous-toiture sur Ciplast.fr. Slip de bain, check. L'écran Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. En ce moment, avec les soldes de But, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin et sur but.fr. But, c'est nous. Hey, ciao, bella, comment est-ce? Bah, qu'est-ce que tu fais? Mais je m'entraîne, parce que mon forfait mobile free inclut désormais les appels SMS et MMS illimités depuis tous les pays de l'Union Européenne, et ce, 35 jours par an. C'est génial! Et pour l'Internet? Ah bah, t'as jusqu'à 3 gigas d'Internet mobile compris. Forfait mobile free, 19,99€ par mois. Offre soumise à condition, plus d'infos sur mobile.free.fr. Grazie mille, free. Intermarché s'engage! Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo! Mais c'est jusqu'à demain quand Intermarché défend les prix. C'est vous le grand vainqueur! Intermarché, tous unis contre la vie chère! Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Attention, le dimanche avec Winamax, le poker est sur RMC. Dès 16h30 dans l'Intégral Sport, premier coup de poker de la journée signé Daniel Riolo. À 20h, rendez-vous sur winamax.fr pour la soirée poker. Et à partir de minuit, retrouvez le RMC Poker Show, le seul show poker à la radio. Le poker, c'est demain sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Dans quelques instants, les informations, puis les grandes gueules du sport démarrent avec Christophe Cessieux et moi-même pour vous servir. Mais tout de suite, un point sur la météo avec Christine Peña. Bonjour Christine. Bonjour Serge et bonjour à tous. Alors attention, les orages sont violents. Entre la Bourgogne et l'Alsace, nous avons toujours une vigilance orange. Nous avons les éclaircies qui se développent de plus en plus à l'ouest du pays par l'Atlantique, entre le Sud-Bretagne et la Gironde, le nord des Landes également, jusqu'au Limousin cet après-midi. Les éclaircies seront larges et puis du nord jusqu'à la région parisienne, le centre, la Normandie ou encore l'Auvergne. Nous avons un ciel changeant, variable, avec de nombreux passages nuageux et toujours un risque d'averse. Et puis proche des Pyrénées, c'est là où le ciel est très encombré également avec quelques averses. En Méditerranée, le vent souffle et il chasse les nuages. Du coup, vous avez du grand soleil et de la chaleur. 33 degrés à Bordeaux, à Marseille plutôt, alors qu'à Bordeaux, justement, on perd 8 degrés par rapport à hier. On sera à 24 degrés, 20 en région parisienne et 18 à Brest pour cet après-midi. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Dès 14h, intégrale UEFA Euro 2016, avec à 15h, Suisse-Pologne, à 18h, Pays de Galles, Irlande du Nord, et à 21h, Croatie-Portugal. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. RMC, il est 10h. Vous avez une très bonne idée d'écouter cette magnifique radio dans quelques instants. Une magnifique émission, Les Grandes Gueules du Sport. Mais il est temps d'écouter le journal présenté par Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour Serge et bonjour à tous. Le jour d'après, 24 heures après avoir dit non à l'Europe, la Grande-Bretagne et les 27 membres de l'Union se réveillent dans l'incertitude ce matin. Le divorce avec le Royaume-Uni devrait prendre du temps, 2 ans environ. En attendant, les questions sont nombreuses. Parmi elles, y aura-t-il un effet domino? D'autres pays pourraient-ils à leur tour quitter l'Union? Tout dépendra des conditions dans lesquelles la sortie de la Grande-Bretagne va se négocier, selon la directrice adjointe de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, Sylvie Matelli. Le risque va être de céder sur un certain nombre de dossiers et finalement d'accorder un certain nombre d'avantages au Royaume-Uni. Et il est clair que si on va trop loin dans cette négociation à l'avantage du Royaume-Uni, eh bien très logiquement, vous avez un certain nombre de pays qui vont se poser la question, mais pourquoi pas nous ? Et qui vont peut-être être tentés par une sortie eux-mêmes pour obtenir le même type de situation. Sylvie Matelli, joint par Anaïs Denet. Et pour éviter justement cette dislocation, plusieurs rendez-vous sont à l'agenda. Le premier aujourd'hui à Berlin où se retrouvent les chefs de la diplomatie des 6 pays fondateurs de l'Europe, dont la France. Lundi, François Hollande se rendra à son tour en Allemagne pour un mini-sommet, cette fois en compagnie notamment d'Angela Merkel et Matteo Renzi, le chef de l'État qui appelle à un sursaut. Il reçoit cet après-midi à l'Élysée les responsables des principaux